Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épisode 2 de la saison 2013-2014 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, Jean-François Crompe, le numéro 21, David Thibodeau, le numéro 7, Martin Véro et le numéro 98, Alex Galipo. Yeah! Est-ce que les volumes rentrent bien, messieurs? Oui, monsieur. Oui. Bon, on s'excuse en partant, on a fait un petit changement au niveau du son. La soirée du podcast, nous sommes un podcast de discussion ouverte sur les activités du Canadien Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Et on vous parle de hockey avec passion et boisson. Yeah. Aujourd'hui, nos bières sont débouchées à l'aide des ouvre-bouteilles. Trois bières qu'on remercie de nous avoir donné, des ouvre-bouteilles qu'on a vues à l'événement Papa Cassette. Oui. Spécial hockey. Mm-hmm. Commençons avec ça d'abord. Pierre-Luc, qui se vante d'avoir battu Alex deux fois au hockey. C'est un menteur! Mais hein. Barely. Non, mais je trouve pas ça correct. Parce que, il a gagné. Mais nous autres, on le plug, on ouvre nos bières avec son opener. Ouais. Puis lui, c'est de même qu'il nous remercie. Hein. Pendant une semaine et demie. Faut dire en partant que, premièrement, il a gagné contre Alex Ouattari à Ice Hockey, ce qui compte pas. Ouais. Puis deuxièmement, son autre, parce qu'il a gagné, ça a fini 1-0 en troisième prolongation à NHL 94. Messieurs, c'est honteux de chaque côté. Exactement. Chance que j'étais pas là parce que je l'aurais rossé. Non, mais je parle de Pierre-Luc de Trois-Bières parce qu'il m'a fait un commentaire cette semaine. Il dit on devrait se nommer plus souvent pour savoir qui parle. Ah. Essayons de dire qui est qui. Là. Alex, c'est le gars avec la petite voix aiguë. La voix aiguë, plus que Martin, c'est le gars qui est jamais d'accord avec Alex. Dave, c'est le gars qui taponne sur l'ordi, puis moi, je suis le gars qui fait changement de sujet, puis c'est à peu près ça. Ouais, allô? Ça, c'était Dave. Ouais, ça, c'était David. Des petites choses à dire avant de commencer le podcast cette semaine. Manquez pas demain pour ceux qui nous écoutent. En fait, samedi, le 12 octobre, le podcast All-Star, duquel je ferai partie avec Rétro Nouveau, on va aller parler de podcast et on va prendre une passe et snapper la soirée du podcast dans les sujets. On va essayer de se plugger quelque part là-dedans. Excellent. Voilà. Êtes-vous prêts, messieurs? On est prêts. Oui, yes. Messieurs. Bon, ben là, vu que c'est le premier podcast officiel de la saison, parce que il y a deux semaines, on a fait un pré-saison, la saison n'a pas commencé. C'est le temps de vos VO2 Max qu'on fasse rentrer le vélo. C'est des farces. Alors, t'as peur, Alex? Ouais. Commençons la partie. Ah, maudit. Fail. Mesdames, messieurs, veuillez retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national. Ça, c'est bon, ça. C'est pas ça, les deux canadiens, mais non, c'est des t'as même le grichage, genre, de la télé. On dirait que c'est quelqu'un qui a enregistré ça avec son VHS. Ben, je pense que c'était ça pour vrai, en plus, là. Ça, c'est à minuit que ça jouait, là. Ouais, quand le boss se fermait, on a découvert ça à l'adolescence, quand on s'est commencé à se coucher vraiment tard. Pour pogner bleu nuit à TQS. Ouais, c'est ça, exactement. Puis on mettait SRC, là. Puis on voyait ça à la fin, puis on l'écoutait. On trouvait ça cool. Puis c'était comme une mouette qui se promène tout le long dans le décor. C'était comme une animation là, qui changeait le tas de décor. Là, puis ça a fait tout, fait tout le pays. Même. Ah, la belle époque. Ah, t'avais comme l'Indien aux deux. Qui c'est qui a choisi l'Indien? On a pas de l'Indien. Une mouette. Pas un ça nous représente bien, ça, une mouette. Une mouette qui me vole au-dessus de l'eau puis qui chie dedans. Dans l'eau. Ben oui. Dans l'eau. Sur ce, commençons la première période. Tu vois, là, je viens de comprendre comment ça marche l'iPad, comme du monde. C'est un iPad 1. C'est ça, faut quand même s'adapter avec cette lenteur. Dave, tu voulais qu'on commence par parler un petit recap des 4 matchs. Présentement, on est 500, on joue pour 500. On est 2-2, on a Deux victoires, deux défaites. On est 5, ça. Ouais. Tu voulais faire un petit retour sur les premières retour, parties. Première partie contre Toronto. Défaite crève-cœur de 4 à 3. Perte de Paros, qu'on parlera un peu plus tard dans le podcast. On se garde un bon bloc là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on va s'ostiner sur les batailles. Mais reste que le Canadien a quand même bien joué, puis on va en revenir. On va en revenir, là. On va y revenir, les jeunes. Belle performance des jeunes dans ce premier match. Deuxième match contre Philadelphie, une victoire. Brière contre son ancienne équipe. Oui. Qui était tout croche. Ouais, Brière a vraiment rien fait. Non, les Flyers étaient tout croche. Ben, Brière non plus. Vinny a rien joué. On a gagné 4-1. Contre... Mark, qu'est-ce que c'est? Ah, puis les Flyers en plus avec le coach qui a copié. Ouais, ça aussi, on va y revenir tantôt. La violette, je ne l'ai pas marqué, mais je vais le noter. Ensuite, grosse défaite, vraiment très décevante défaite contre les Flames. De toute façon, il y a une chose à dire dans ce game-là, c'est que, ben, selon moi, là, c'est que le Canadien était à l'image de Diaz, un fromage suisse. Plein de trous? Plein de trous. Dans cette game-là, là, c'est vrai, bon, ça là, après la première période, tu savais qu'il était pour perdre. C'était vraiment dégueulasse. La défensive était dégueulasse. Tout le monde, il n'y a pas défendre nulle part. Mais man, ça passait d'un bon puis de l'autre. Jusqu'à temps que Subban score. Mais j'ai lu quelque chose, je sais pas si c'est vrai. Ça a l'air que ça fait 14 ans qu'on n'aurait pas gagné à Calgary. Non, depuis 2008. Ça fait quand aussi, j'ai... Okay, j'ai... 2002. C'était 2002 la date. Ça fait quelques années quand qu'on a pas joue gagné. Là-bas. Là-bas. Oui, oui. Qu'on n'a pas gagné à Calgary. Pas contre Calgary. À Calgary. Demolé. Je te donne. Ensuite, hier, pas plus loin qu'hier, pour l'enregistrement du podcast. Jeudi 10, on a gagné contre les Oilers. 4-1. Bonne game, ça. Deux victoires de 4-1 à date. Ouais, il y a beaucoup de 4. On tient quelque chose, je pense. 4-1. Le chiffre 4, c'est le chiffre magique. Non, 4-1, un but dans un filet désert de Max Pacioretty. Souvent a été excellent. J'arrêtais de voir. Souvent a bien joué, mais il s'est repris en esti pour la veille pour sa belle pénalité qu'il a pognée en fin de match qui a empêché d'avoir. C'est un... qui arrive. Là. Ouais, ça arrive. C'est mais moins épais des defs quand même. Mais non, je dis pas que je suis pas d'accord. Je dis juste que il fallait qu'il en joue une bonne, justement, parce que il y a vraiment. Il a joué très bonne aussi. Même contre les Flames, ouais, mais il a vraiment fait une niaiserie inutile à la fin de la game contre les Flames. C'est qu'on dirait qu'il a comme voulu se racheter puis ça a bien marché. Ouais. Il a fait une pénalité de marre. Deux cross checks, ça aurait passé. Mais le pire, deux cross checks, ça passe 4 un moment donné quand ça revient. Ouais, c'est l'arbitre à côté, il l'a même pas collé. C'est l'autre dans le surtout que, tu sais, c'est un gars de quatrième trio qui a cross checké de même qui voulait exactement ça. Puis Piqué, il a embarqué comme un petit kid de genre début vingtaine qui bon est fringant. Match, ça fait chier à Chris. Pas dans ce game-là. Ouais, puis. L'équipe B, man. Pour de vrai, c'est une équipe de la Ligue américaine, celle-là. Je tiens à rappeler. Ça donne rien pour le monde qui nous écoute en podcast par après, mais présentement, on est live et on a des commentaires live qui nous sortent sur Twitter. Maintenant? Oui, il y a Max Tremblay de l'Épée légendaire, un podcast de jeux vidéo qui dit contre Calgary, le CH a dormi deux périodes. C'est vrai. Ouais, effectivement, tout à fait d'accord. Oui, tout à fait c'est d'accord. C'est dégueulasse, pas c'est des pas, il patinait pas, il était nonchalant. C'était vraiment plate à regarder. Là. Ben, c'est le fun pour Bob Hartley quand même qui a pu gagner contre Montréal. Oui, il va être content. Yeah. Terrien a dit qu'il n'y a pas d'amis sur la glace quand c'était un match, puis on a perdu. Voilà. Ben, je suis content pour lui, pareil. Bon hey, on a un commentaire qui est pas mauvais de Pierre-Luc sur le chatroom qui dit que Pierre-Luc encore que tu devrais avoir un chandail d'arbitre. Ouais, je sais, mais non, je suis pas un arbitre, je fais partie intégrale. Ouais. Même si ça paraît pas, ouais. En fait, j'aurais avoir un soude de coach, moi, peut-être plus. Tu sais, une cravate rose, là, comme ouais. Coach, ça serait pas pire aussi. Faudrait que je m'habille vraiment. Un épisode que ça va pas bien, tu sais, genre, puis tu sens qu'on a perdu un peu, on a été dérapé la game d'après, tu changes ta cravate. J'ai peur de mettre un chandail d'arbitre puis que soudainement RFC ressorte. Petite pointe à la lutte ici. Pointe à la lutte. Ben oui, nouveau podcast qu'on sort, pointe à la lutte. Y avait-tu d'autres choses à dire en tant que tel sur les 4 games qu'on. On a gagné 2 puis on en a perdu 2. C'est bon. On a-tu aimé ça en général? Il reste bien des affaires à faire. Moi, je pense que de toute façon, là, un début de saison, tu peux jamais rien dire avant facilement une bonne dizaine de games. Il y a des vétérans, il y a besoin de faire. Mais dans une dizaine de games, on va pouvoir se donner une meilleure idée de ce qui va se passer. C'est tôt encore, là, parce que. On peut pas commencer à condamner le monde, là. Ouais, mais à Star, ça va. Non, même si. Je veux pas condamner un joueur en particulier. Ouais, Alex, condamne! Condamne, Alex, condamne! Non, mais c'est comme le feeling d'équipe comme quoi qui manque de. Tu sais, il manque de drive, de jus. On manque dirait qu'il y en a qui patinent, puis ils sont vraiment. Ben, pas à bonne place, manque de concentration, des passes tout le temps sur la banque qui dévient dans le fond. Ben, c'est parce que là, dans le fond, c'est que. Manque de cohésion, manque de. Tu sais, il n'y a pas de vouloir de ben, c'est parce que t'as une ligne qui joue en ce moment. Là. Ben, c'est comme Heller, là, vraiment. Wow. Là, ben, oui. You, Plekanec. Okay, puis Galchenyuk, c'est comme wow. Ouais, c'est mais You, Plekanec, tu dis, il y a des petits sparks, mais Plekanec, Bourque, il y a eu un bon match. Ouais, mais Plekanec. Plekanec, depuis 4 matchs, il coalise à rien. Ouais, mais je pense que c'est la ligne. On a commencé à prendre un peu. Hier, il a joué avec les jeunes. Hier, il a joué avec Heller puis Gallagher et Plekanec. Il a rien, lui, il n'a rien fait, les jeunes. Ben les c'est jeunes justement, fait, il est obligé lui. De défaire sa belle ligne qu'il avait faite avec Heller, ouais, Gallagher et Galchenyuk pour. Ben oui, parce que. Je vais donner deux meilleurs alliés pour t'avancer. Max Tremblay qui nous donne un autre commentaire pertinent ici. Il dit que Subban a autant de points que Stamkos. Ouais. Just saying. Bon, just saying, 4 games. Calmons-nous. Oh, ouais, ouais, c'est ça. Il y a des joueurs qui n'ont pas débloqué encore. Non, c'est ça. Est-ce que Piqué s'en va pour un autre Norris? T'es un petit peu tôt pour en parler. Ben, il se comporte comme un gars qui pourrait. Moi, ben, jusqu'à date, là, il est là, il est présent. Ok, on oublie là. La pénalité. Au moins la pénalité. Non, non, mais, en tant que tel, on oublie la game contre les Flames. Ben, à fin, c'est ça. C'est la troisième période qui a changé le match. C'est lui qui a drivé la drive. Puis peut-être, mais il reste que cette game-là en général, puis c'est pas juste Piqué, c'est l'équipe au complet, c'était vraiment pas, c'était vraiment pas un classique. Là. Il est trop tôt pour dire encore que Piqué va ramasser un Norris, mais je veux dire, c'est sûr qu'il va être dans les tops avec Nathan, puis avec. Il va être encore dans les tops. Il a vraiment pas régressé de l'année passée. Non, non, non, mais non. Non, non, mais il va pas régresser, il est sur son air d'aller. Il est trop jeune. Puis surtout à l'âge qu'il a, déjà être. C'est comme Piqué qui est il déjà va coûter comme, cher! Qui est déjà Piqué. Il va coûter 7-8, certain. Puis ça va être le plus gros contrat du Canadien. Ben oui. Il va avoir ce qu'il va mériter. Ben, mérite. Ouais, mais Price, il est signé pour une couple d'années encore. Là. Tout à fait. 5 ans encore. Jusqu'en 2016-2017, je pense. Souvent, ça n'arrive pas souvent dans les débuts de saison. Je vais aller chercher les stats. Les débuts de saison qu'on a juste 4 games en 2 semaines, c'est très rare. Là. On commence un voyage avec un voyage dans l'Ouest, ça a été long. Ouais. Qui est le plus long voyage de cette année, je pense. Je sais pas. Je n'ai pas checké le calendrier au complet. C'est le plus là. Long voyage. Ouais, écoute, on revient mercredi prochain contre une autre équipe. Là. Hey, c'est non, il joue tout seul. Ouais, on ne sait même pas c'est quoi le calendrier de Montréal. Hey, m'a-t-elle sortir, Marc. M'a-t-elle sortir, le calendrier. Tu le veux? Tu le veux? La fin du mois. Bon, mais pendant que Dave cherche dans le calendrier du Canadien, je ne le cherche pas, même je l'ai. Sortons quelques nouvelles sur le CH. Ah non, j'ai pas besoin de sortir des nouvelles. Premièrement, notre nouvelle acquisition, l'excellent Douglas Murray, absent pour 4 à 6 semaines. Il est blessé. Il n'y a rien à dire. Il n'est pas là. On l'a même pas vu. En fait, on l'a vu dans les cérémonies d'ouverture, puis il y avait un méchant gros coup. Ah, mais une grosse mâchoire aussi. Ah, ouais, il avait l'air mou. Lui, c'est pareil, il a été bon, il a été mâchoire dans le temps d'être. Ben, comme justement, hey, les gars, je sais pas que je le fasse parce qu'ils l'ont fait à la télé à 110% ou je sais pas quoi, là, l'émission L'Attaque à 5. Là. Mais on a sur l'attaque le. L'Attaque à 5. T'as quel poste, ça? C'était à TQS dans le temps, ou V, là, je sais pas. L'attaque. Mais on a T'es sûr que tu payes pas TVA Sport, toi? Ouais, non, pas en tout. Mais on a présentement avec nous dans la chambre, on a Yalpé Nismou. Ah, shit. C'était un classique. Non, c'était à l'attaque à 5. Ça s'est c'est un gars de Saint-Jean qui a fait ça. C'était à RDS. Ça se peut. Ouais. C'était à l'attaque à 5. Represent. Non. Ouais. Non. C'était à Jean-Louis. Le TQS avait une fille qui avait joué à l'instant. Je sais pas gang. Si c'est hot à Saint-Jean. Là, ça a du fame. Là, mais... C'était un. Tu sais qu'il y a des bières gratis au 6-6. Ouais. Un shooter. Partons carrément du début de la saison. Avez-vous vu les cérémonies d'ouverture? Ben oui. Ouais. Qu'avez-vous pensé? Des cérémonies d'ouverture. Comme moi, je l'ai passé. Moi, je l'ai manqué parce que j'étais pogné dans le trafic. Pour Price avait l'air heureux avec le flambeau. Ben, encore. Justement. Première chose à dire par rapport au flambeau, c'est Guy Lafleur qui est arrivé avec le flambeau. Puis c'est Flower qui a donné le flambeau à Brière. Il a brisé à la glace. Il a aidé Brière à briser à la glace, dans le fond. Daniel Brière, oui. Daniel Brière. Non, moi, c'est Danny. Danny Brière. Non, c'est Daniel. Il l'a dit, son nom, c'est Daniel. Il se prostitue. Lui, il change de pays puis il change son. J'ai quand même. Il laisse le faire. Il se prostitue. Ouais, je sais. Le regard de Brière que le regard de Price, là, quand même. Non, mais dans le fond ils l'ont bien introduit pour se faire pardonner. C'est du market. Exact. Mais c'est parfait. Là. Oui, ils ont bien fait ça. Tu le vends en full, c'est ça que tu veux faire. Ils ont bien fait, fait ça, mais c'est-tu quoi? Moi, je veux que Brière se vende pas avec un flambeau, mais avec son stick, pin puck, stick, puis qu'il fasse de quoi, on le voit pas. Brière, oui. Là, présentement, il est mal. Il est non, il est pas là. Mais il est pas mieux que Gamin. Le monde dit qu'il est blessé, ça part mal, man. Parce qu'il y a juste blessé, 2 ans à Montréal, puis il va falloir qu'il en joue au moins une demi là-dessus. Là. Parce qu'en attendant, là, je veux dire, là, il brille peut-être plus clutch un peu, puis il va se mettre à embarquer un moment donné, mais je veux dire, c'est comme à date, quand même juste 4 games. Là. Ouais. C'est, ouais, ça. C'est ça. Mais on dirait qu'on est comme déçu un peu. On dirait ben, moi, qu'on je suis pas déçu. Pas... J'attends. Ben, c'est vétéran. Des fois, ça me prend un bon 10 games avant de partir. Là. Ah, les vétérans. Ils sont plus revient, vieux. Fait que c'est comme starter. Sont slow. Hein, c'est ouais, ça. Ben, souvent, ça leur prend ça. Fait que non, ça mais je suis patient. Je suis patient. Ceci étant points. Dit, je suis patient. Il va avoir ses points qu'on pense. Mais il va faire ses points qu'il fait c'est d'habitude. Exact, c'est ça qu'on s'attend. Mais j'ai quand même c'est comme Plekanec. J'ai quand même trouvé que c'était un méchant move de marketing de faire passer le flambeau de Guy Lafleur à Brière. Oui, mais c'est parce que Brière, il était condamné à Montréal. Fait que là, ils ont fait vraiment. Ouais, comme mais ça avait changé. Ça avait changé. Ça n'a pas changé. S'il avait pas. Il se serait pas fait tuer, là. Mais non, c'est sûr que non, mais en tant que il, cas, ça change. Il se serait pas fait tuer, mais. Mais ça, peut, ça peut arriver si les ça les commentaires continue, dans l'opinion publique, là. Brière, ça a été quoi quand il est arrivé? Hey, Dave! Oh. Fuck! Bon, Dave a accroché le soundboard. Mais tu sais, dans le fond, ils ont voulu comme le faire pardonner parce que, tu sais, Brière, ça a été quoi ses commentaires dans l'opinion publique quand il est arrivé à Montréal? Tout le monde était comme, ah shit, Chris, pas Brière, là. Ouais. On a tous eu le même comment, là. On a tous fait comme, ah, c'est Brière. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais content pas content. Ben moi, j'étais pas content, même. Moi, sérieusement, je suis le genre de fan qui l'avait sous le cœur, la chose que Brière nous a comme fait « fuck you ». Tu te rappelles pas ce que t'as dit au dernier podcast, hein? Hey, man, il disait le contraire. Ah, il disait que son père, il avait dit que finalement, non, ça t'avait aidé à l'accepter non, puis que t'étais bien content finalement quand t'avais réalisé que... Non, mais craquez-vous pas. Mars, ce qui est le fun, c'est que Mars va dire quelque chose puis après ça, il va dédire ce qu'il a dit lui-même. Comme Bergie. Hey, non, mais sérieusement, OK, attendez, boys, je vais m'expliquer. Bon, ça y est. Qu'est-ce que j'avais dit, c'est que mon père m'avait aidé, il m'avait... Sors la cassette. OK, c'est bon. On va enchaîner sur... Non, OK, ce que je voulais dire, c'est que Brière, moi, quand il est arrivé, j'étais extrêmement déçu, vraiment déçu, parce que Montréal voulait s'en aller dans une philosophie de se grossir, puis de devenir plus big, puis ils vont chercher Brière. J'étais en hostie. Puis c'est sûr que j'étais en hostie, parce que j'aime pas Brière en tant que tel comme joueur, OK? C'est vraiment pas le type de joueur que j'aime. Puis... Mon père a réussi à me vendre une idée de « non, ça peut être bon, parce qu'il va amener quelque chose ». Je veux dire, on a perdu qui à place de Brière? Oui, non, c'est vrai, ce dit, mais c'est-tu quoi? Oui, c'est ça. C'est vrai de ça que j'ai dit, puis je maintiens encore mon affaire. Quand Brière est arrivé à Montréal, j'ai fait comme... Non, mais ça, tout le monde Holy a réagi. Holy shit, man, je veux tout pas Brière. Ben... Mais c'est vrai de ça. Fait tout que le monde, c'est pour tout ça. Le monde, mon point, d'où ce que je reviens, c'est que... c'est que tout le monde, au début, a eu la même réaction. Je sais, mais c'est pour... On a comme paniqué. Mais c'est pour ça que fucking Guy Lafleur a donné le fucking flambeau à Brière, man. C'est pour ça. On a Yolain Gingras qui nous dit que... Lui, selon lui, Guy Lafleur, c'est pas le meilleur ambassadeur. Ouais, mais on n'a plus d'autres. Ben oui, parce que Guy Lafleur nous parle. Parce... Vincent Danfousse, Stéphane Richer. Biliveau, il est plus. Biliveau, il est sur le bord de mourir à chaque deux semaines. Non, mais il est bien trop vieux. Hey, là, dis pas ça. Jamais Biliveau était plus agent. Avant, il l'aidait, genre, à marcher jusqu'à ce bord de la glace. Je Il peut plus avec ses ACV et tout, il est plus assez avec le... Hey, dis pas ça, man! En plus de ça, là, il y en a un autre esti qui est venu nous faire la même affaire que Brière. Il est en pleine santé, esti, je le vois courir, bon, toi. Les gars, excusez. Meurs, il est immortel. Pénalité d'obstruction pour tout le monde, pas deux conversations en même temps. Une, non. Tout le monde par-dessus, ça c'est correct, mais pas deux en même on temps. On fait du criss-cross. Criss-cross, we'll turn your shirt inside out. Tu disais par-dessus. Non, mais juste pour venir à l'affaire de Brière, là, on s'est encore fait buster par Flyers qui ont été chercher la Cavalier. Ah, mais je l'aurais pas. Non. Pour 1 million de différence. Non, pour un. Non, pour des impôts, fuck you. Non, pas pantoute pour 1 million de différence. Pour 1 million de différence, oui, mais pour aussi un contrat de 4 ans parce que le Cavalier voulait du temps. Puis moi, je serais pas prêt à payer le Cavalier pour 4 ans. Non. Chris, non. Moi, oui, je l'aurais donné plus. J'aurais voulu plus le Cavalier à Montréal que Brière, puis je l'aurais pris pour 4 ans, quitte à avoir Brière pour 2 ans. Le temps de le dire. Puis je veux juste préciser en même temps que. Le Cavalier avec Philadelphie, ça match pas pantoute. Oh boy. Ça marche pas. On va revenir en troisième sur les Flyers, justement. Je tiens à dire qu'il reste 6 minutes à la première période, puis je suis encore sur l'intro des cérémonies d'ouverture. Je pense qu'on va avoir une prolongation. Une affaire que j'ai vraiment aimé, c'est l'écran derrière les joueurs qui rentraient. Je sais pas si vous avez trouvé le concept. Wow, ça, c'était-tu Début de la saison. J'ai pas vu, j'avais attendu. C'était comme un gros écran, la photo du joueur, puis le nom en arrière, puis il rentrait devant l'écran. C'était pas ça l'année passée, toi. Ça se peut, mais c'est une belle présentation. Mais ça, c'est beau. Juste un point que j'ai trouvé vraiment drôle. Ils ont présenté les recrues qui n'étaient pas en uniforme, puis le monde qui jouait pas. Puis quand ils ont nommé Drewski, il filmait pas le bon gars. Puis on dit Drewski, puis Drewski c'est comme sorti la tête en arrière, puis il fait un petit halo. Fait qu'il est tellement mauvais qu'on s'est mis le c'était qui? J'ai pas remarqué non. Qui filmait? C'était genre Nathan Beaulieu. C'était Claude Mouton. Nice! Je sais pas, Claude Mouton. Il filmait. Ça, c'est une insulte pour Nathan Beaulieu. Il filmait Charles Prévost-Lynn. Pauvre Drewski. Un vétéran. Ah, oh, oui, oui, vétéran de. Oh, oui. Il y a quelque chose qu'on a déclaré dans le podcast numéro 1. On a dit que les joueurs allaient voter pour le dégagement hybride puis qu'ils allaient refuser le vote. Puis finalement, le dégagement hybride a passé. Ça m'a tellement surpris. Hein. J'ai été surpris moi aussi. Mais les défenseurs, pareil, qui ont tous voté oui. Puis c'est sûr qu'il y a des attaquants qui ont voté oui. Comme puis honnêtement, jusqu'à là. Il y a des attaquants qui sont pas contents, comme Dernier n'était pas content. Puis ben, il y a eu des mauvais calls, par exemple, à cause de ça. Ben, il dit, pour les attaquants, ça n'a aucune différence. Il dit, quand on va être égal. Mais d'une autre, Dernier l'a dit. Il dit, pour les attaquants, ça ne change rien. Si je suis dans la course, je vais me faire pogner. Fait qu'il dit, même si on. Il dit, si je suis pas dans la course, mais c'est un dégagement refusé. Il dit, ça l'aide les défenseurs. Il dit, pour les attaquants, ça ne change rien. Ouais. Parce qu'il dit, s'ils sont dans, si les deux sont dans la course, mais le hit va arriver quand même. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Les joueurs de hockey pensent à la même chose. C'est pour ça que ça ne change rien, ce dégagement-là, à part. Ben, présentement, c'est pas si pire, là. Ben, ils n'ont pas besoin d'aller se crasher dans la bande. Moi, je trouve que c'est... Ils n'ont juste pas besoin d'aller se crasher dans le fond de la bande si pour aller la chercher. Là. Je l'ai effectivement écouté. Au complet? Oui, au complet, jusqu'à la fin, mais je l'ai juste écouté, par exemple. OK, good. J'avais pas du mal. Tu l'as pas vu? C'est la TV. Ben, en tout cas, il y avait justement une place que Gianto était égal avec le défenseur des Oilers, puis ils l'ont callé quand même comme offside. Tu vois, ça, c'était comme... Ben, il y a une game aussi que Gianta, il avait le devant pour aller chercher la puck, puis ils ont sifflé. C'est ça, c'est ça le problème. Il y a des mauvais calls, mais il y a une période d'ajustement. Ouais, ça, dans le fond, il y a une période d'ajustement. Ouais, mais c'est ça, normal, c'est... moi, j'ai la solution à ça. Il faudrait trader Gianta. C'est une T'es un puriste. Oui, puis d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as dit, toi La solution, moi, que j'ai à ça, c'est trade on Gianta. Ouais, ça, c'est une astuce bonne. Gankers, man, sur les. C'est mauvais calls. Pour qui, man? Ouais, c'est ça, Paulin, tu trades ça pour qui? T'as d'autres points, toi? Ben, j'en ai effectivement tout plein. Il y a Tin Hardy qui impressionne Subban, apparemment. C'est ce que j'ai lu dans les commentaires. C'est quand Tin Hardy impressionne Subban? Subban, hier, là, quand Pross a droppé, là, Subban, c'est-tu fait comme étampé que le ciboire de... Hier? Yeah, non, c'est Georges. C'est Georges. Ah, c'est Georges? C'est Georges, okay. Solide, là. Ça, je l'ai vu, ça, parce que j'ai regardé le replay. À matin. C'est un job. Ah ouais, à job, j'ai checké ça, je vais être comme fuck, faut que je voie ça. Tu sais, j'ai checké les fesses saillants. Check, t'es terrible, ouais. Là, c'était hot. Ouais, c'était un bon check. C'était tout un check. C'est pour ça qu'il est blessé. Puis pro. Il jouera pas. Est-tu blessé officiel, là? Ouais, mais là, de toute façon, ça fait depuis le début de la saison qu'il joue comme s'il était blessé. Anyway, il reste 2 minutes 30 à la première période. J'aimerais qu'on parle des critiques très sévères envers David Darnay, le petit Darnay, après 4 games qui se fait varloper. Mais ça fait depuis l'année passée que tu Ouais, c'est ça l'affaire. C'est qu'il fait rien depuis l'année passée. C'est ça le problème. Comme Chanto, man. Les vétérans font mais... plus de quoi présentement? Puis pourquoi on target le petit Darnay plus que les vétérans? Le centre fait rouler. Ben, je vais te dire pourquoi. C'est parce que à Montréal, là. Quand il y a un jeune qui arrive, un jeune ou un nouveau qui arrive une saison puis qui fait de quoi de gros? Un Québécois. Un Québécois en plus, oublie ça. Là, il est vanté par tout le monde. Tout le monde se dit « Hey, Darnay! » Tout le monde capote. Puis là, ben l'année d'après, ben il chie dans la pelle. Dans la mythe. Dans la mythe. Gars, n'importe où ce que tu veux qu'il chie, il chie. Ouais, pis, mais c'est-tu pas surtout le fait qu'ils ont donné 3.5, là? Ils ont peut-être fait ça vite. Ils ont peut-être fait ça vite, mais je suis pas prêt à le condamner, là. C'est une nouvelle... À chaque année, c'est une nouvelle saison, puis je pense pas qu'on... Ouais. C'est quand même pas nécessairement bon de se baser sur ce qui s'est passé la saison d'avant, mais là, le slump, là, il dure. Ouais, ben, puis ça il fait faut 4 qu'il... games, là. Ça fait 4 games cette année, dure. C'est ça. Mais non, mais ça fait 4 games cette année, c'est ça que je dis. Mais il reste que le monde dans leur tête. Je parle pas de moi et Calis. Je parle que le monde dans leur tête, le slump, il dure depuis l'année passée, tu sais. Ouais. Puis là, moi, j'y donne... Ça dire au monde que Chris, c'est 4 games. Moi, j'y en donne encore. Ses deux alliés sont tous pires. Oui. C'est le trio, c'est pas lui. Ça joue pas. Dernier, quand il était avec Brière et Pacioretty, ça marchait pas, man. Il y en a un qui joue cette année, en tout cas, c'est Moen. Là, on est... Ben, il est mieux que l'année passée. Ouais, au moins, il a droppé. Je me demandais ce qui se passait. Contre... Il a poussé dans le net puis ils ont tombé à terre. Tin Hardy s'est battu. Il a pas pogné un pied de céleri. Là. Hey, tout le monde s'est battu. Fraser, mon gars. Tin Hardy s'est battu ce soir-là aussi. Puis honnêtement, je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai vu, moi. Ben, il était excellent. Il a rossé l'autre complètement. Mais non, ça s'est passé avant. Mais non. Ouais, t'as pas checké la même game. Ça s'est passé avant. T'as vu les deux fights séparément. Ils sont passés en même temps, mais un après l'autre. Puis on a vu la fight de Tin Hardy. Puis il y a eu l'over Tin Hardy sur ça. Puis honnêtement, il a pas été mauvais. Ben, c'est l'autre carré. S'il est capable. Ouais, mais là, attends, il va prendre l'expérience en plus. Il va. Ah ouais. Je peux prendre une coupe parce de l'autre, t'es pas petit non plus. Non, non, il a pogné un gros. Ouais, ouais, mais il était pas super. Puis Moen, Paros 2, puis Denordi. Fait que ça a brassé. On va pouvoir revenir sur le cas. Quatre batailles, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Fait que Moen a droppé ça. On a perdu au bout de surprenant que Moen droppe. Puis ça risque d'être long avant qu'on voit quatre batailles avec Montréal, j'ai l'impression. On est dans l'Est, c'est quand même la conférence qui brasse le plus. C'est un mauvais match. Fait qu'on s'en va. Contre les Leafs. Ouais, ils ont essayé de jouer physique quand il fallait pas. Là. Mais ils se sont pas quand même laissés intimider, puis ça a quand même bien. Mais ils ont perdu. Pour la ligne, ils ont perdu. Ouais, mais c'est quand même une game serrée. Mais c'était bon. Moi, j'ai trouvé bon ce game-là. Il y a eu de l'action, mais au bout de la ligne, c'est sûr, ils vont se griller des goûts. En tant que fan, c'est une si bonne game. En tant que hockey, c'était pas. Il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu. Oui, il y avait trop de punitions, mais ça, c'était. Moi, je trouvais que ça avait l'air quasiment d'un match de série. Man. C'était intense. Il y a trop de violence. Quoi. Il y a Les Maple Leafs ont imposé leur style. Le Canadien, non. Le Canadien, c'est d'imposer ça, puis ils sont pas capables. Pas suivre cette sur ce, on va aller faire l'entraque et on vérifie le micro d'Alex qui a pas l'air de marcher comme du monde, puis on vous revient pour la deuxième période. Je l'avais dit. On est de retour pour la deuxième période. Et avant commencer cette deuxième période, on tient à dire qu'on s'excuse pour le volume du micro d'Alex en première période. I'm back, baby doll! Je pensais que le micro était vrai. On va l'entendre parmi les autres microphones, peut-être un peu pas fort. Ça se peut qu'on leur coupe un peu aussi s'ils parlent trop. Là, hey, GF, et puis les boys, avant de commencer la deuxième période, on a un commentaire dans le chatroom de Je te viens d'en face qui, selon moi, est un fan de Thornton. On y reviendra en troisième période sur le cas Thornton. Oui, lui dit, comment on dit Daniel Brière en espagnol? C'est beau. Scott Gomez. Et on va également revenir sur le cas de Gomez en troisième. Nice! Sérieux, là? Pour vrai, là, bon, j'allais dire ça tantôt, Scott Gomez, en parlant de Brière, parce que je trouvais qu'à date, mais pareil, il fait penser à lui, pour vrai. Mais là, à peu près 5 ans de moins... Pas d'âge, mais de contrat, puis à peu près 8 millions de moins. Là, gagné à peu près 24 millions par année. Non, mais tu sais, je parle de joueur pour joueur. Là, je suis comme, wow! Je sais, j'ambitionne un petit peu, mais tu sais, c'est juste pour montrer à quel point c'était. Non, Brière, il va plus dans le fond du territoire un peu. Là. Ouais, au moins, il rentre dans la zone. Il va en arrêt du net, fait des belles passes. Il va pas d'un chevreuil blinded by the light. Il fait des belles passes, c'est juste, ça n'a pas payé. Non, il n'a pas payé. Parle-moi ça, cette période-là. Je trouve ça weird d'entendre Alex fort. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche en première période, mais. Ah, moi tout, on part la deuxième, on remanie les trios. On baisse son micro, on est capable. On remanie les trios et on part la deuxième. Pas capable. Mise au jeu. Bon. De quoi vous voulez parler en premier? Des choses positives ou négatives? J'ai deux choix. Soit qu'on parle de Paros en premier ou soit qu'on parle de Heller en premier. On va parler, je m'en colle. Ben Paros, c'est facile, non, on peut régler ça rapidement. Non, mon fait Heller tout seul qu'on fait, parce sinon Paros, ça va être long. Parce que Paros, il y a l'éternel. Ok, vas-y. Truc des combats à parler, mais ok. L'excellent début de saison du 81. Ben, voilà, ben, c'est fait. En fait, je ne parlerai pas seulement du début de saison du 81. Je parlerai du début de saison 27. Du 27 et du 11. D'ailleurs, oui. La dernière game, Heller n'était pas avec Galchenyuk et Gallagher. Puis ils ont continué de très mais bien fonctionner. Mais lui, tout, fonctionner. Il a bien joué. Même il a quand Galchenyuk même était, pas, était coeur, pas il était bon. Mal joué. Mais t'as senti un petit peu de frustration à certains moments, je pense, de sa part. Mais les gars sont pas bien placés. Mais Heller, t'es frustré parce que ses alliés, ils sont pas aussi que ça. Il va falloir qu'il fasse la job lui-même. Anyway, mais Galchenyuk et Gallagher ensemble, là, c'est beau à voir jouer. Puis je suis content d'une chose, parce que moi, j'avais des doutes sur Gallagher par rapport à sa grosseur, puis le fait qu'il va-tu justement devenir un déharnais. Mais ce gars-là se place où ce qu'il faut. On tout le dit, temps. C'est parce qu'il n'y a pas peur. Joué. Lui, là, il est tout le temps dans le trafic. On l'a dit en saison 2012-2013, c'est le missing link. Mais ces deux-là ensemble, ça fait des flamèches. C'est tellement du beau hockey à voir. Ils se connaissent, ils voient sa glace. C'est naturel. Là. Okay, c'est mais beau à voir jouer. Sérieusement, là, mention honorable là, à Heller qui est revenu d'une nasty blessure de fou. Ouais, depuis que c'est oui, le ben oui, je veux dire, Heller, il a repris drette où ce qu'il a laissé. Puis quand on a perdu Heller l'année passée, ça a été comme un peu. En plus mal. De perdre Emeline, c'est comme c'était la fin. Mais c'est pas là, il a comme voulu frencher la glace, hein, je pense. C'est pas. C'est pas là que le slump avait commencé du Canadien, justement, avec la perte de Heller. On avait dit peut-être que ça aura pas trop d'impact finalement. Emeline, avec la perte d'Emeline. Emeline et son genou en mais Heller est parti en série, puis ça a fait mal, selon moi. Parce qu'il connaissait. Éliminé en 5, ça fait mal. Dans le fond, là, Heller, depuis sa gagne des fameux 4 buts, là, Ouais. Tout le monde était comme, Heller, ça va être hot. Puis après ça, il n'a rien fait cette année-là, quasiment en fin de saison. L'année d'après, il a commencé la saison passée, dans le fond, qui était la saison courte. Il a allumé l'année passée. Il a commencé ordinaire, puis il n'a pas joué au début, sa passerelle. Puis après ça, ça a été en ascension. Ouais, mais il te l'a fouetté du suite en partant. Ouais, mais c'est ça. Mais après ça, ça a monté tranquillement, puis vers le milieu de la saison l'année passée. Il a eu son pic. C'était 20 games, là. Ça a parti. Ouais, mais il n'a pas eu son pic. Il est encore même pas rendu. On dirait qu'il est dans son pic. Non, j'ai pas dit son pic. J'ai dit ça a parti. Mais toi, tu dis ça. Mais j'ai dit qu'il était dans son pic l'année passée. Ouais, ça vient mature. Il atteint sa maturité de joueur. Ça a pris une couple d'années qu'on a attendu. Ouais, mais on a attendu quand même une couple d'années parce que nous autres, on avait été chercher des Blues. Contre Alak. Exact. Puis D'Agostini. D'Agostini, on n'en parlera pas. Là. Alak, présentement, qui fait le meilleur trade entre Heller et Alak? On en reparlera. Je pense que c'est un bon trade parce que. Ben, parce qu'Alak a des bonnes stats. C'est ça, on revenait dans les nouvelles around the NHL. Dans les Blues, ça rentre en finale à la Coupe around Stanley, je le prédis. Mais les Blues quand même, qui ont des super bons joueurs, je veux dire, ils doivent quand même se dire wow, Heller a vraiment bien développé là, quand même. Ouais. Un peu comme les Sharks se sont dit sûrement sur Georges dans les dernières saisons, disaient aïe aïe, je peux pas croire qu'on n'a pas exploité plus ce joueur-là. Ouais, mais en même temps, ils ne peuvent pas se plaindre boom. De ce qu'ils ont reçu en retour d'Heller non plus. Fait qu'ils sont contents, par exemple, pour le gars. C'est ça, ouais. Ils sont allés chercher ce qu'ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin. Dans les dernières saisons, c'était pas terrible. C'est ça, Alak. Non, c'était pas fort. Il y avait des coches au coach aussi. Ouais, il était pas content l'année passée. Il était pas content. Il a été blessé. Depuis qu'il a commencé avec les Blues, il a été blessé je sais pas combien de fois. Il y a juste quelque chose, je l'ai dit aussi. Puis c'est pas un gardien de but, c'est pas un gardien de but qui va te gauler 60 games en montant par année. Ben, c'est un gardien. Ben, on sait pas encore. Il l'a jamais fait. Parce qu'il se blesse tout le temps. Il se blesse tout le temps. C'est quelqu'un qui. Même les saisons qui n'ont pas été blessées. C'est un petit goaler. Même les saisons. Vu que c'est un petit goaler. Même ceux qui n'ont pas été blessés, il l'a pas fait. Ouais, ben parce que vu qu'il est petit, il faut qu'il bouge partout. Il y a plus de chances de se blesser qu'un goaler. Il grouille pas mal. Mais. Boudaï, là, dernier game. Il a bien goalé. Ouais, vraiment bien. C'était beau, là. Mais pour un deuxième goaler, ce gars-là, je le garderais, là. Longtemps. Des années, oh, il est très bon. Il est bon pour l'équipe. C'est tout le monde l'aime. On a, selon moi, un des meilleurs. À part, deuxième. À part là, je te dirais, les teams qui ont, genre, deux jeunes, puis que les deux sont bons, puis que tu sais qu'ils vont en échanger un l'année d'après. Ben, comme Bernier puis Reimer, là, à Toronto. Ouais, Reimer. Moi, je serais pas Reimer, mais non. Ils ont des bonnes stats. Bon, en tout cas. Mais sinon, quoi, on a un des meilleurs deuxième goalers. Mais comme Clemens, puis mettons, Clemens, il joue avec les Panthers. Clemens. Avec Tim Thomas. Ouais. Avoue que c'est un bon duo de gardien. Ah, ouais, mais moi, je parle deux jeunes, mettons. Ouais. Là, mais pour un vrai deuxième, tu sais, Clemens pourrait être un numéro un dans certaines équipes, mais un vrai deuxième, Boudaï, tu sais, tous les joueurs l'aiment. Puis Chris, il nous gagne les games. Puis c'est un travaillant. Ah, puis il gagne des games. Ouais. Sa façon son de goaler style m'énerve. Est pas fou, mais ça marche. Ouais, ça m'énerve. Parce que son à chaque style, erreur, comme, à chaque peur, arrêt, là. Ça me fait peur. Je suis stressé tout le temps de le voir aller parce qu'il est pas très. Il laisse les rebounds dans l'estime. Il est pas très technique. Non, mais ça marche. Il est pas très technique. C'est un gardien qui va te gagner un petit peu plus que. Qui va jouer un peu au-dessus de 500 par année. À date, les deux derniers départs, il y a 9 victoires, 0 défaites. Mais il est capable de mais faire ça, une belle étoile moyenne, sa patinoire. Non, mais je parle là, en moyenne par époque, saison. Ouais, il fait une belle pièce. Mais l'année passée, les 8 derniers games, il n'a pas perdu. Là, s'il n'a pas perdu celle-là, il fait 9 victoires de suite. Non, mais il est fiable. C'est juste qu'il a l'air tout croche quand il goal parce qu'il goal jamais. Ben non, c'est pas ça. C'est ça quand t'es dans le deuxième goal. Moi, je pense que les pratiques. Mais c'est vrai qu'il goal pas beaucoup. C'est Ned Flanders sur son casque, il débalance. Puis c'est marqué Buds en arrière. Buds. Buds la bière ou Buds le pot? On sait pas. Il va falloir investiguer. Ben juste Buds, c'est cool, que ça soit de la bière. Buds. Ben lui, c'est peut-être juste des Buds. C'est in. Oh, Buds, il est buddy avec Price. C'est son surnom. On est des Buds. C'est son surnom. Hey, Buds. C'est comme nous autres, on dit Buds. Hey, Buds. Ça fait genre nickname Texas, là, genre le Buds. Ça fait redneck. C'est le même qui l'appelle l'investisseur. Yo, Buds. What's up, man? Passons à un autre sujet. Ouais. On parle encore de Boudaï. Oh ouais, j'ai plein de choses à dire. On fait un spécial Boudaï. On arrête le show si Boudaï. Mais allez chercher les stats. Non, mais il est fin Boudaï. Je suis sûr qu'on pourrait l'avoir sur le show Boudaï. Boudaï, il serait assez sympathique pour venir faire un tour. Je comprends rien, mais il est. Peut-être pas non plus. Hey, tu penses qu'on pourrait comme il se lapait des boules oranges, lui et tout, genre dans la rue, genre. Mais genre pas de casque. Tu lui donnes une mythe, un blocker. Non, une mythe, un blocker, puis un bâton, puis tu sais que ça arrête. L'hiver, là, des boules oranges vraiment gelées là, qui font mal. Ou tu sais, des boules oranges avec des trucs dans la neige, Revenons sur le premier match. À bout d'air. Quand on a vu George Parros rentrer, je pense qu'on a tous été impressionnés, premièrement, par la moustache. Là. Ah ben, on était tous, tous contents de le voir pendant le 15 les deux premiers combats jusqu'à ben, temps que lui il a pas joué ça en tant que tel là. Il a pas joué autant de minutes, mais même sur le banc je l'aimais. Ah ouais, je le regardais. Mais qu'est-ce que t'aimais? Ben, son moustache. Ouais, c'est ça, moustache. Ouais. De stash. De stash. Il passe pas. Est fournie, épaisse, puis fonce. Éteint. Hey, juste éteint, une petite parenthèse, les gars. Hier, la game de hockey, hier, vous marquez que les caméras sont de l'autre bord dans la game des Oilers. Oh, ouais. Le bat est en bas de nous autres. Puis les pénalités étaient en face. Hey, Alex, ça, c'est une vieille arena, man. Ouais. C'est comme à Québec avant, en tout cas. Moi, ça me. C'est bizarre, les gars, t'es comme. Dans le fond, là, ils pourraient juste inverser. Les gars, t'es à l'envers, tu sais. Piqué, t'es à notre bord en place. De... Hey, ben, pour revenir à Paros. Ça t'a-tu donné mal au cœur, Alex? T'as-tu pogné un étourdissement? Tu vas y arriver, GF, tu vas y arriver. Vas-y, excuse. Bon, ben, il y allait bien, je connais qu'il se passe une fracture de la stache, là. Tombe en pleine face sur la glace seulement, dans son combat contre attends. Colton Orr. Mais il y a un bon mentor, par exemple. Et ciboire. Parce ben que moi, je suis sûr qu'il était tout cassé. Moi, je sais pas comment vous avez vu que ça. Moi, j'étais pas devant moi, j'ai la texté télé. JF dessus. Moi, je l'ai vu live. Puis honnêtement, là, mon père, il était comme pas sûr. T'sais. Ah, il est correct. J'ai dit, ah non, non, non, il n'y a pas de like correct. Ah, tu sais, quand il est resté sur la glace, j'ai su. J'ai vu tomber, il bougeait plus. J'ai dit, oublie ça, il est fini. Là, il est... Puis quand il s'est relevé la première fois, là, il... ses yeux, là, ah, il était pas il là. Était pas là. Ben, ben, il a... Mais quand c'est il est comme sorti, il n'y avait personne fond, dans là. Le logement d'en haut, la cage était vide. Il ne s'est jamais relevé, là, dans le ouais, fond. Non, il a non, juste il comme montré une main. C'est comme assis, il a fait genre. Il s'est assis, puis les gars, je fais un mime que le monde voit. Tout le monde le voit, là. De toute façon, je veux dire, Colton Orr l'a vu de suite. Quand il est tombé, il a su tout de suite. Il a comme fait, écoute, quand t'es sur la glace, tu dois entendre comme l'impact juste de qu'est-ce que ça tape ta face sur la glace. Lui, il l'a entendu, puis mais... c'est sûr qu'il a fait comme comment. Mais moi, mais il a regardé Paros, puis après, il a dit ok. Ah mais, ouais, mais tu il sais, quand elle est tombée, puis j'ai vu comment elle était tombée, je savais qu'il ben, il est tombé le menton premier. Au replay, tu voyais ça. En hein. Tombant, Orr s'est tenu après son chandail, puis il a comme perdu l'équilibre un peu. Dans la bataille, on peut pas dire que c'est Orr qui l'a ramassé à terre. Non, non. Dans le feu de l'action, ils sont accrochés, ils tombent en pleine face. Non, mais c'est parce que quand tu te bats, tu tiens tout le temps avec une main genre sur le chandail. Passer ma main, quand, dessus, quand toi, tu puis... tombes, si tu tombes puis ça fouette, ben veux pas, tu vas pas te décrocher la main. Fait ça vient avec. Ben moi j'ai pensé au premier coup parce que Pyro c'est quelqu'un qui va souvent gagner ses batailles en renversant le gars puis en tombant par-dessus lui, ok? Qui est comme considéré comme un win là, par la foule, là, qui vont chiller. Ouais, mais justement, non, mais là, je me suis dit deux que peut-être que Orr, il a voulu peut-être prendre sa vengeance et essayer de le revirer, tu sais, ouais, pour dire comme. Je pense que là, c'est moi qui vais tomber par-dessus. Mais, tu sais, c'est ça. Mais ça, t'as dit ça la dernière fois, justement, qu'il se battait mal. Ouais. Les deux combats qu'il a fait à Montréal, c'est pas battu le même. Oui, parce qu'il finit tout le temps par prendre le gars et par le wrestler. Mais il fesse quand même. Mais moi, il a sorti les mêmes propos que Georges Larac. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai, Paros, c'est tout le même. Check toutes les fois. Mais c'est correct, c'est vrai que mais au début, il se bat. Ben oui, mais c'est je veux son dire, style, c'est son style. Finit à faire de même, combien, mais au début, il tape. Combien qu'il y a de vraiment des punchers dans la Ligue nationale qui a eu là, qui finissait la fête avec un bon punch à la gueule jusqu'à temps que le gars se couche? Non, c'est ça rare ça en tabarnak. C'est il y a rare. Tout le temps un gars qui va le projeter l'autre à terre pour gagner le fight, puis mais il le se meilleur. Tape dessus avant. Là. Ouais, mais si t'es le meilleur et tout, dans le meilleur ballon, t'es capable de garder ton ballon et t'es capable de le mettre à terre, mais tu gagnes. Parce qu'il y a des gars qui gardent. Qui sont meilleurs pour c'est rester rare. Debout quand même. Oui, qui oui. Qui tombent jamais, tu sais, je veux okay, dire. OK, mais regarde, comme Pross, il va essayer de rester debout. Puis... Mais quand tu vois regarde, ça tu vois... au gars, là, qu'il tire, vois... genre, ouais. Vers bas, c'est pour y faire perdre les patins. Puis tu sais, quand le gars, il tombe, OK, c'est fini, mais c'est... il est mais bon c'est... là-dedans, Pross. Mais exact. Il va, ouais, mais arriver, un, il va savoir être Pross, c'est un bon warrior, moment. Là, mais tu sais, je veux dire... Ouais, mais Pross, ben, il verra jamais... technique, Pross, parce que Pross, là, je veux dire, en partant, là, on s'entend-tu que, tu sais, je veux dire, il a pas le gabarit pour se battre contre les plus gros, mais il va y prendre pareil. Mais il est capable d'être mais c'est pourquoi? Parce que Pross, sérieusement... C'est un excellent technicien, pour vrai. Pour se défendre, il sluggera jamais quelqu'un, puis tu le verras jamais slugger non, quelqu'un. Tu vois, il donnait des bons coups, mais il a donné la bras. Il donne, dans ouais, la boue, ouais, c'est Alex, ça. Il tourne la tête Alex, comme ça, Alex, puis il tape tout le temps mais oui, en bas de son Alex, casque. Il n'a pas la capacité de faire vraiment plus, pour vrai. Sérieux, là. Fait qu'il se débrouille très bien, il se défend très bien. Je veux qu'on parle des combats en général, mais avant, brièvement chacun, pensez-vous que Paros va être de retour cette saison? Parce que ça a l'air qu'il récupère très bien. Moi, je pense que oui. Ben oui. Moi, je dis vers novembre, là, il revient. Novembre? Ben, ouais, aussi bien. Ben, aussi, je sais pas si... Apparemment, novembre. Il n'y a pas de séquelles de la commotion, ce qui est une bonne moi, chose. Moi, je pense que ça va dépendre du début de la saison. Ouais, mais on ne sait pas comment il y a une commotion hein, avec les Panthers. Moi, j'ai entendu dire son agent que c'était sa première. Selon okay, son ben, agent. Ben, moi, je dis milieu novembre, fin novembre, dans la deuxième ou quatrième semaine. C'est pas impossible, mais semaine, moi, je pense novembre, que ça va dépendre de la tenue de l'équipe aussi. Oh, non, il va venir tout de suite parce qu'il n'y a pas eu sa chance. Ben, c'est sûr que tu peux bencher un White ou un Bournival contre. Tu peux bencher un White. Ouais, mais ils l'ont déjà aussi de Bournival et tout. Le gars, c'est, il est là pour fighter, puis il y a une commotion. Fait qu'il va tout l'envoyer mais... pour manger contre la gueule. Ben, si tu reviens à 100%, tu n'auras pas avoir peur de le fighter. À moins que tu vois que là, il y a une crainte. Mais quand tu es à 100%, you're ready to go. Ben moi, je sais pas. Tu vas en avoir un autre suite, un petit coup de poing. Moi, je sais pas, Alex, parce que Prost, je veux dire, au nombre de fois, Paros, au nombre de fois qu'il s'est battu, dire qu'il a jamais eu de commotion, je suis pas prêt à dire ça parce qu'il a mangé des taloches. De commotion déclarée. De commotion déclarée comme ça, gars. Ouais, sauf qu'on parle d'une commotion majeure, des petites commotions. Ouais, mais c'est sûr que point sa gueule, puis t'es out. Ça veut pas dire que t'es une commotion, là. T'es knock-out, non. Quand t'es out, t'as une petite commotion. Alex, quand tu prends connaissance avec un choc, t'as une commotion. Un choc, attends, mais si, mettons, t'as une mini commotion. Moi, j'entends dire, comme Alex, à boxe, ils ont déjà fait des propos par rapport à ça, que un punch te donne pas nécessairement une commotion. J'ai déjà entendu ça. Tu vas passer fait que ça, je suis comme pas sûr. S'il y a des neurologues dans la chatroom. À chaque fois qu'un boxeur est KO, pas un punch, man, mais quand le gars il tombe sur un compte et il est pas capable de se relever de bout, là, il y a comme un... Ouais, quand il était tourné, quand il tombe sur un punch, c'est pas une commotion. Tomber dans les pommes, c'est pas une commotion automatique à la boxe, c'est ce que j'ai déjà entendu. Moi, je suis d'accord. C'est possible, je sais pas. Mais ça, regarde. Je suis d'accord, mais c'est pas de quoi qu'on parle. Mais moi, je le sais pas. Fait que, on s'en calisse. Prochain point. Non, on va rester sur ce sujet-là pour les 6 minutes et demie qui restent. Quoi? Là, on a perdu le gars qui était là pour se battre à cause des batailles. Qu'est-ce qu'on fait avec les batailles? Le débat des batailles est tout le temps relancé quand il y a une blessure comme ça. Premièrement, à Montréal, est-ce qu'on aurait parlé de ce débat des batailles-là si ça avait été arrivé dans une autre équipe, cet accident-là? Ouais, une grosse. Ouais. C'est une grosse, oui, parce qu'à Montréal, on connaît. Mais une grosse accident, oui. Un accident même, non. Ben, tu sais, je veux dire, un accident. Attends un peu. Les gars qui se sont fait slugger l'année passée, ça, c'est un accident. Moi, là, le débat des l'année passée, il y a des gars qui se sont fait slugger direct sur le menton, les deux yeux, gars, cross-side. Ouais, même à ça, Mark, gars, là, honnêtement, sérieux, là, si on regarde le nombre de combats qu'il y a par année dans une saison. De toutes les équipes confondues. Puis que ça arrive, c'est rare. Puis il y a bien plus de commotions pour des mises en échec que de commotions pour des combats. Le point, c'est que êtes-vous pour ou contre? Ben en fait, c'est même pas les combats le problème. C'est l'environnement dans lequel les combats se produisent. Est-ce qu'on les enlève? Mais moi, honnêtement, là, qui les laisse, ça fait un spectacle. Puis s'ils les enlèvent, je m'en calisse. Mais Gary Batman, il a dit quoi et tout? Je vais dire pourquoi que ça me dérange pas. Parce qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Au début, ça va être. On va capoter, mais s'ils enlèvent, c'est un temps d'adaptation. La seule différence qu'il va falloir qu'ils fassent, c'est que les arbitres, il faudra qu'ils soient plus sévères. Par exemple. Parce que tu peux pas laisser la game comme elle est là. Ben, c'est ça. Parce que, man, oublie, c'est plus. Ça va faire chier la tête, man. Might faire mal à cause que, justement, il n'y a pas de bataille. Le gars, s'ils sont frustrés un contre l'autre, man, Chris, il va te coller un coup de poing. Pittsburgh, l'année passée, il n'y avait pas de goon. Pittsburgh, il n'y avait pas de goon. Puis, gars, comme dirait mon ami, ce Nick Crosby a passé à la saison, c'est Tylenol. I know, je sais, mais le bataille dans le hockey, ça date depuis les années, quoi, man. Le Canadien, 100 ans avant ça. Ça a toujours été même, okay. C'est une raison. Ben, moi, je dis qu'on devrait laisser ça même, parce que sinon... Ben, c'est parce que toi, t'es conservateur, t'es du type conservateur. Moi, j'aime les combats, je me cache pas, j'adore les combats. Oui, j'aime ça. OK, fait que, mais je veux dire... Mais s'ils partent, on va s'habituer. Je suis pas qu'ils soient là, les combats, parce ouais, que... Ouais, mais si tu vas créer une autre chose que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver... C'est pour ça que Gary Batman il faut que ça s'enlève si tu changes l'arbitrage. Non, Gary Batman, il a dit, vous savez pas qu'en enlevant ça, vous allez créer plein d'autres conséquences qu'on ne connaît pas. C'est clair. Moi, ce qui m'écœure, c'est qu'ils pénalisent pas les coups à tête puis qu'ils font du triage sur ceux-là qui font des sosties cheap shots dégueulasses. Ben là, il va en avoir encore plus, il n'y a pas de batteur. On a un autre gars qui nous dit, mais là, je sais pas s'il est crédible parce qu'il s'appelle Grosse Graine. On a des beaux fans. Ouais, ils ont des bons nids. Il doit aimer fight, lui, Grosse Graine. Ouais, mais c'est peut-être un menteur. Tu sais, il n'y a pas de preuve à l'appui. Mais anyway, tu peux être KO sans avoir une commotion. Commotion égale mouvement du cerveau. Bon, je l'aime bien, lui. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai. Mais c'est un peu ce que j'ai entendu. Puis Grosse Graine, c'est un neurologue. Ouais, ouais. Il m'a dit oui, s'il vous plaît. Là. Oui, come on. Il dit oui. Peut-être plus un non-neurologue. Dans les suggestions que j'ai lues. Ouais. Concernant les combats, pour éviter les chutes, justement, que le monde se blesse en tombant, il y a du monde qui suggérait le port du full face obligatoire. Ça change rien. Si t'as le full face, vas-tu vraiment te battre? Qui va se battre à coup de poing sur un full face? Je vais pour les batailles, tu en métal. Ouais, pour les batailles spécifiquement. Là, pour ils vont enlever leur casque. Ah oui, tu peux pas te battre avec un full face. C'est ça, je trouvais. Le monde sont brillants. T'as entendu ça, t'as sûrement pogné ça, ces commentaires RDS. Ouais, c'est pendant qu'on est sur le cas des commentaires RDS, j'ai lu quelque chose de palpitant sur le cas Paros, qui quand même dans l'article qui disait que les Paros, commentaires RDS. Je pense qu'on va faire une chronique. Mais je pense faire un segment que sur chaque sujet, je vais aller les chercher une couple de commentaires RDS. Sur RDS.ca. C'est tellement magique. Ouais, faut pas, mais pas dire les nicks. Peut-être c'est nos fans. Là, ils vont se reconnaître. Il y avait quelqu'un qui. Parce que c'est l'article, ça disait que Paros récupérait bien et qu'il serait de retour bientôt. Quelqu'un a dit, j'espère que Paros revient bientôt puis qu'il va se pogner contre Lucic, le favori d'Alex. Ben, puis wow. Puis qu'il va manger une volée, puis qu'il va avoir une autre commotion, puis qu'il ne reviendra plus parce que Paros, c'est pas un vrai joueur de hockey. Ben, je suis pas d'accord. Ça, c'est intelligent. Tout un commentaire pertinent par rapport au fait que Paros va peut-être se remettre de sa commotion. Mais ça, c'est pas vrai, ça. Ben, ça, c'est juste ça, c'est des fans d'hockey que j'aime pas. Ça, c'est un troll. Un troll. C'est juste gratuit, puis non, mais. C'est genre un nickname slapshot, là. Ouais, c'est ça. Ok. On va passer au prochain. T'es un nippant. Si tu nous écoutes. On est d'accord qu'on regarde les bagarres puis les ben moi je regarde parce que je trouve que ça empêche justement plus ça va donner moins de cheap shots sinon les petits joueurs vont essayer de se faire justice eux-mêmes ben, à la brière c'est justement là c'est justement là mettons là gars la grosse mise en échec là qu'il y a eu sur Georges hier était légal. Non, c'est correct, c'est pas Alex, c'est pas la mise en échec que je mets en question, c'est Rust après ça qui va défendre tout de suite. Il a bien fait. Sais-tu quoi? Oui, il a bien fait. Puis moi, je suis pour ça. J'aime ce genre de bataille-là. Quand c'est genre à défense de quelqu'un, puis tu dis non, nous autres, on ne se sera pas imposé ce style-là, puis t'arrêtes ça. Parce que le pire et tout, le joueur de Calgary savait qu'il était blessé. Mais la réponse. Ils savent là, qu'il est blessé, puis il l'a frappé de même. Mais enlève que même s'il sait qu'il est blessé ou whatever, OK, enlève tout ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher une réponse après ça de l'autre équipe s'il n'y a pas de bataille. Une réponse va être encore ben plus là, cheap, genre les coudes encore plus haut, le bâton plus haut. C'est ça, quoi, je dis, il va y avoir plus de cheap shot puis il va y avoir plus ça, de ouais, blessés oui, à la fin. C'est sûr que ça se peut, ça. Ben, c'est mais ça. Je veux dire, je en même temps, c'est les batailles devraient continuer. Mais en même temps, je trouve que. Je te dis, il faut que l'arbitrage change. Si tu enlèves les batailles, tu peux pas. Dans le fond, tout ce que je dis pas que je suis pas d'accord avec vous autres. Je dis juste que si tu les enlèves, puis moi, je suis pas contre les enlever, je suis pas pour non plus. Je m'en calisse honnêtement. J'aime les failles quand il y en a une. Je trouve que ça amène un petit show. C'est là depuis, comme tu dis, comme depuis vraiment longtemps. Mais en même temps, tu peux pas les enlever de la manière que la game est présentement parce que ça marche. Sinon, parce que je pense que la NHL, ce qu'ils veulent vraiment éliminer, là, c'est le freak show. Des équipes qui vont embaucher des joueurs. C'est ça qui vend juste aux States, man. Un matin. Des équipes qui vont embaucher. Puis ça, je le comprends un peu, qui vont embaucher des goons. Juste pour dropper, juste des polices, là. Ça, c'est vrai que ça passe moins bien. Ton joueur, là, faut qu'il sache patiner aujourd'hui. Puis il faut que je m'excuse sur le commentaire. Le Paros, il sait patiner, là. Paros, c'est patiné. Mais on s'entend qu'il est, c'est pas. Non, je sais. Il dit, il meurt que la RAC. Lâche-moi la RAC. Mais moi, je suis le dernier batailleur qu'on a eu. Je suis un fan des vieux fighters de Bob Probert, puis tout ça. Puis, ah, Bob Probert. Les belles années. Gars, sérieusement, les gars, je veux dire, il faut qu'ils. Je pense que le temps est un peu révolu du gars que t'embarques juste que le coach, là, il fait jouer deux minutes par patiné, game. C'est comme, gars, vas-y, va au face-off. Non. Puis tu te pognes. Tu sais, genre, ça, les fights commandés. J'aime les fights dans le feu de l'action. Ça prend un joueur de quatrième trio. C'est joué, ça. Une ligne de grinder que les gars, ils savent passer le pas, ils savent patiner. Ils peuvent se battre. Ben, ils peuvent rentrer en zone adverse, faire un attaque. Une quatrième ligne comme Toronto ou Boston. Un gars comme Pross. Mais tu sais, Pross, c'est pas heavyweight. On s'entend, c'est non, pas mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'il joue pour ça, il joue mais comme on ça. Veut, ouais, mais on veut tout un John Scott, c'est-tu, une non, machine. Toi, tu reviens avec ton John Scott, c'est-tu qui est hot. Moi, je veux Hartnell pis sa coupe de cheveux. John Scott. Tout le monde veut un Neil. Hey, John Scott, là, je dis, mon gars, hey, c'est-tu quoi? John Scott, là, tu t'en vas à Toronto, là. C'est pas un joueur. T'es sale. Non, non, mais je veux dire, tant qu'avoir un joueur tough, tu vas chercher une mèche. On va prendre un Chris Neal. Je vais prendre un Chris Neal et un Brandon Cross avant. Ben oui, moi aussi, man. Ah, mais John Scott, c'est de la profondeur. Non, non, pas un joueur, mais justement, c'est que. La, quand il est juste là pendant deux minutes à ton quatrième trio. Hey, calmez-vous, là. Sérieusement, comme je disais tantôt, j'aime mieux les joueurs qui savent plus patiner pour moi. Mais toi, Mark, quand tu dis profondeur, tu dans le fond, là. Parce qu'il finit, il finit le monde, John Scott. Parce la soirée de Mark. Toi, Mark, quand tu dis profondeur, tu dis que le joueur est encore dans sa zone quand l'autre équipe est rendue l'autre bord. Mais il est profond. Mais il est profond dans sa zone, man. Avant d'aller au deuxième entracte, je vous laisse sur une citation de Thérien. Je me rappelle pas dans quel contexte il a dit cette année, mais il a dit « You can play with a bad shoulder, but not with a bad attitude. » Ça, c'est dans 24 heures CH. Ouais, mais je sais pas, je l'ai lu celui-là. Mais moi, le commentaire, ouais, je me demande s'il s'applique à Pacioretty ou à l'équipe généralement. Non, c'est dans 24 heures CH qui a dit ça. Puis il dit « Tu peux jouer avec une mauvaise épaule, mais pas avec une mauvaise puis attitude. » Puis on se tient ensemble, ouais, c'est ça. Ouais. Il a parlé de l'équipe en général. Il parlait de l'équipe, en général. Il y a un meeting d'équipe qui a dit ça. Ah, c'est beau tout ça. Sur ben, les gars, ça joue samedi après la game. 24h. Je sais pas, j'écoute pas ça. Après l'antichambre. Après j'ai tout. Pas à télé. Tout à télé. On revient après l'entraque pour la troisième j'ai période. J'ai pas à télé. On est de retour de l'entraque pour la troisième période. On s'en débouche une autre. Puis avant de commencer, je tiens à dire à tout le monde qui nous écoute live dans la chatroom, préparez vos questions parce qu'après la troisième, on va faire des tirs de barrage. Avec vos questions rapides. Ouais. Vu que là, on a du monde qui nous écoute live. On note vos questions, puis on prend ça pour la fin. Fais pas ça tout de suite, là. Attendez un peu. Êtes-vous prêt à la troisième? Un truc de texte? Ouais, pour mettre les questions. Ah, ben là, écoute, Dave, tu me prends à fonder pour moi. Je te prends un brûle pour point. Pomme A, man, si je serais un mec, je comprends rien là-dedans. Moi, on reviendra tantôt, on va ouvrir la période. C'est bon, ça. Ah voilà, on commence la troisième période de ce deuxième épisode de la soirée du podcast. Ceux qui veulent nous écouter live, on est à young.ca/live. Je dis ça, puis le show va être fini après. C'est pour le monde qui est trop tard, podcast et qui va nous réécouter plus tard. La prochaine fois. La plug est faite. Voilà. Tantôt, on parlait que le trade Eller à Lac. À Lac a brisé un record avec les Blues. Le plus grand nombre de blanchissages pour un gardien de but avec les Blues. Ça veut dire beaucoup de choses. Ils ont eu des gardiens proches. Ouais. Avec 17 blanchissages. Il semble que je suis capable de reculer jusqu'à Dominique Roussel. Oh! Même pour le reste, t'as pas dur à battre ce record-là. Je vous rappelle qu'on est dans la section Around the NHL. Là. On fait le tour de la Ligue nationale. Félicitations à Lac. On pense à toi encore des fois, certains fans. Pas moi. Mais tu sais, il y en a. Il y a du monde qui en revient. Il y en a qui sortent encore le nom. Ouais, c'est quoi? Ils sont comme bognés. Ouais, sont... Tu vois, à Lac, il y a eu 17 blanchissages. On l'avait, ce gars-là. La restop, là, marqué à Lac dessus. À Lac, les t-shirts qu'il avait fait. Là. Ouais. J'aime mieux la restop marqué Charest, moi, dessus. Là. Oh. Ah, le cas, il y a du monde qui sont bandés à Lac encore au Québec. On sait. Bon, hein. Puis y a-tu du monde qui sont bandés Charest encore? J'espère que non, parce que. Oh boy! Oh là là là! Le bouton de Sherbrooke. On n'est pas dans la bonne game. Le bouton de Sherbrooke. Le bouton check. Le bouton check. La filière check. On a-tu encore du stock canadien à parler en troisième période? Non, pas bien. Ben, à part qu'on va parler de Charles Prévost-Limpton tantôt. Bon, on va parler tout de suite de Charles Prévost-Limpton. Hey, t'as peu. Limpton? Moi, je veux juste parler Limpton. De quelque chose de canadien Limpton. Avant. Là. Ouais, c'est hostie que j'ai hâte qu'Emeline y revienne. Ouais. J'ai hâte qu'il. J'attends moi, son retour là, qui détruit tout. J'ai hâte à sa première grosse mise en échec. Est-ce que son genou a désenflé? Oui. Je pense que ça va bien. Là, ils disent que... fin novembre. Ah, moi, je l'ai appelé l'autre jour. J'ai dit, mets du chaud et du fret. On va te faire un petit alterne, massage. Alterne. C'est quoi l'annonce là, avec Shaquille O'Neal? Là, tu sais? Icy Gold Hot. Flex. C'est ça. Merci. Icy Hot. Un petit peu de foie. Envoyez-y, je viens là, YouTube. Gold Bound. Ah, mais non, il va venir fin novembre. Puis oui, j'ai hâte qu'il revienne. Il nous manque. Ah, ben, j'ai juste hâte aussi, tant qu'à ça, de voir Douglas Murray. Parce que je sais qu'il va en détruire une coupe quand même quand il va revenir. Lui, on dirait j'ai que hâte, je m'en colle. Ah, j'ai hâte. Moi tout, je m'en fous. Mais il n'y a pas de talent là, à part vraiment cramasser ben le monde. Là, il faut qu'il revienne parce que Georges est blessé. Fait que ça nous le j'ai hâte de le voir. Oh, oui. Parce que là, il était Nordy Beaulieu. Mais sauf que. Ouais, mais il y en a pour un mois encore. Il était pour. Je sais. Ouais, c'est ça. Il y en avait pour 4 à 6 semaines. C'est sûr qu'il va être out of shape. Mais j'ai hâte quand même de voir si ça fait comme boom dans mes vidéos. Je suis d'accord avec Mark pour Dougie Murray. Ben, je propose qu'on l'appelle Docteur Dougie pour le reste de la saison. Appelons Dougie. Pas Docteur, mais juste Dougie. Non, Docteur Dougie. Bon, une autre affaire qu'on a parlé tantôt, qu'on dit qu'on venait en troisième période, le cas des Flyers. Ben, Peter Laviolette qui a été congédié après 3 games seulement. C'est un record. C'est. Jacques Dallas, c'était 4. Ouais, 4 le max, je pense. Il y a un autre gars que je connais pas vraiment. Fait que finalement, on n'est pas là. Fait que là, il se retrouve avec Greg Berube, alias The Chief. Yann Laperrière. Le chef. Yann Laperrière. Ouais, Yann Laperrière. Ben, regarde, écoute, pour de vrai, je trouve pas ça correct pour lui. C'est rapide. Après 3 matchs, c'est comme un peu la panique. C'est quoi, vous avez amené Vincent Lacavalier? C'est quoi? Ben, c'est le directeur général devrait pas faire ça. Ok, avez-vous écouté les games un peu des Flyers? Qu'est-ce qui a causé le départ aussi précipité de la Violette? Comme ça? Ben non, mais la Violette, il était déjà sur le hot seat. Là. Ouais, avant que la saison commence. La saison passée a fini, il était déjà sur le siège. La Violette écope des choix du DG. Vraiment, là. C'est ça la tâche ingrate d'un coach. Mais tu le voulais, Lacavalier. Non, mais non, c'est pas juste ça, c'est Carter. Carter qui ont laissé aller. Ils ont tous des contrats fous qu'ils ont donné. C'était quoi un goaler déjà fou? Bobrovsky. Non, pas Bobrovsky. Ils l'ont laissé partir. Ah, oh, mais regarde. Non, non, mais l'autre gars est fou, là, l'année passée, voyons. Ed Belfour. Non. C'est quoi son style, non? Si on le sait, personne. C'est pas Alex à qui tu parles. Fuck. Mais en tout cas, le monde, ils savent qui je parle. Là. Le gars, l'année passée, là. Fuck. Il y a le site de Charles Prévost-Linton, man. Qui chante? Il chante, hein. Tu t'écoutes ça pendant l'émission, là. Ben là, excusez-moi, j'ai ça même, il y a quelqu'un qui a mis le lien dans le chatroom. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la soirée du podcast, ce podcast sur lequel je n'ai aucun contrôle. J'ai perdu mon point. Merci. Ah, du coup, il a fait plein de stages. Okay. Paul Holmgren devrait plus être là, mais j'ai un lien. Parlant de perte de contrôle, on va parler de Patrick Roy. Oh! Voilà. Ah, il était temps, là! Patrick Roy qui a fait ses débuts en tant que coach avec l'Avalanche du Colorado et malgré une défaite, malgré une victoire, a pété une solide coche. Ouais! Mais il y a aucun effet! Pété une coche à Ok, mais attends un peu, avant juste de parler du pétage de coche de Roy, là, on va juste dire que je pense qu'il n'y a aucune défaite encore. Aucune défaite jusqu'à date. Ils sont 4-0, ils jouent 1 présentement. J'ai écouté le match. Hier, j'ai écouté le match avant le match. Ils ont blanchi les Bruins. Ouais, mais ça, sur Vidéotron, on a le... Comment ça s'appelle, là? C'est NHL Network. Non, Center Ice. NHL Center Ice. Qui est débrouillé. Il y avait justement les Avalanches contre Boston, puis j'ai écouté le match. Une partie du match, pas au complet. Mais man, c'était beau de les voir jouer, man. Il y a une bonne équipe. On devrait être jeune, mais ils se donnent à fond, on dirait, parce qu'ils... D'ailleurs, Sean McKinnon, c'est hot. Là, comme pareil, j'ai lu, ils sont hot d'avoir joué. C'est une bonne game, man. J'ai aimé ça. Ça doit être vraiment un cœur. Comme j'ai lu sur Twitter. C'est de l'émotion, puis c'est ça, croix. Puis voir les Bruins se faire laver à la maison même, puis voir tous les fans des Bruins à plat. Mais voir les Bruins, c'est tout le temps satisfaisant. Là. Avec Giger. Voir Luchik pogner une pénalité, une inconduite de match, parce qu'il pète une coche. Alex, t'avais pas un statement à faire sur Luchik? C'était Brice Galov, le gars. Je dis Luchik, je l'ai. Merci beaucoup. C'est ça, Brice Galov. Attention, Alex s'explique sur Luchik. Ouais, voilà, on va lui laisser la parole. Fin. C'est un gars que je prendrais dans mon équipe, n'importe quand, mais c'est un gars que j'ai. Ouais, bon, comme là, la vidéo, c'est qui nous a envoyé Colton Nord contre Luchik? C'est Mike Cox. Puis avouez que pendant que j'écoutais la vidéo, à chaque coup de poing que Colton Nord donnait à Luchik, j'étais content. Ça faisait du bien. Mais je le prendrais dans mon équipe. Mais il y a un autre combat plus récent que ça encore que j'ai vu Luchik se faire ramasser, puis il pensait avant de frapper. Là. Tu le voyais qu'il était comme pas sûr. Là. Ben j'aime ça, c'est un petit ouais, c'est contre Reichlitz ou je me souviens plus, je l'aime pas pour de vrai Luchik en tant que joueur de hockey, je trouve que c'est une bitch, mais s'il serait dans mon équipe, j'aimerais ça. Ben ouais, ouais, c'est ça, ok, mais gars, tu veux toujours avoir une bitch de ton côté. Subban, c'est une bitch pour toutes les autres, on l'a de notre bord. Gallagher, c'est une bitch pour tout le monde, on l'a de notre bord. Mais ça, je voudrais mon bord, même qui dérange l'autre équipe, parce qu'il fait un assez bon job dans déranger. Quand t'as eu un joueur, c'est parce que quand tu l'as ton bord, t'es content. Quand je le vois se faire péter à gueule ou pas bien jouer, j'aime ça. Parce que j'ai la face. Au speak show. Voilà mon point, c'est juste vous dire. Ben hey, Alex, c'est un Christ de bon point. Je le prendrais dans mon équipe n'importe quand, mais je l'aime pas. Fait qu'à la fin de la partie de l'Avalanche qui gagnait 6-1, Roy a pété une coche, était sur le bord de faire tomber la bivitrée entre les deux clubs. Le pauvre caméraman pris du côté de Roy qui arrête de se faire enterrer. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion, les top 1. Ouais, non, mais ça, on a essayé tentative de blessure sur Sean McKinnon, qui est comme la rookie, on a tenté de sortir un genou. Ça a commencé là, puis tant qu'à ça, Roy s'est dit, c'est le temps de montrer à mes gars, puis à... au monde que prends ça au sérieux. On va, ça va être sérieux cette année l'Avalanche, puis on va vraiment se donner. Non, mais même si on n'a pas l'équipe bon message, on va jouer comme ça. Ah, mais moi, t'es chiant en Christ. T'essayes de passer le jeu à mon first round pick, man, de la Ligue nationale. Oui, mais sauf que c'est Roy, puis tu sais, veux pas, c'est calculé. Vas-y, il y a d'autres coachs qui n'auraient jamais fait ça. Ben, il fera pas ça à chaque game. Ouais, mais là, ça a parlé de l'Avalanche pendant plein de jours. Puis ça va faire que les fans vont peut-être revenir. Puis là, présentement, la mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur un air d'aller. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'émotion, ils ont de la vie. Roy leur ramène quelque chose qu'ils ont jamais eu. Puis ils ont une drive. Ben, pas jamais. Ont... Non, mais je veux dire. Ils ont gagné deux coupes. Ok, mais Roy, là. Je parle de l'Avalanche. Ok, mais excusez, mais Roy, là, il est loin de sa première amende, là. Là, il va en avoir bien plus que nous. Roy, c'est Roy. Ouais, là, ben, ça coûte 10 000. C'est la pointe de l'iceberg, ça. Là. Il n'y a pas eu des amendes de même dans la Ligue nationale. Vraiment que ça colle. Oui, je le sais, mais... C'est parce qu'il a failli agresser le gars avec la bibitrie dans la face à Boudreau. Boudreau, le Legalite de genre Tien Burger. Bruce Boudreau. Celui qui est pressenti pour incarner Humpty Dumpty dans le film sur Humpty Dumpty. Il a joué dans Slapshot, hein, Bruce Boudreau. T'es sérieux? Ouais. Ouais, j'ai lu son livre. Ouais. Hey, ça, il est dans Slapshot. Ça, ça, je pensais que t'avais lu le Wikipédia du film ça, Slapshot. Ça, ça se trouve à être vraiment quelque chose. Puis il y a une scène. Que c'est si bon, man. C'est un premier choix au repêchage. Mais si je me trompe pas et tout, il y a des scènes qui sont tournées dans l'appartement de Bruce Boulogne. Ouais, ouais, parce que ça, ouais. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Bon, ben écoutez, il y a du monde qui m'ont suggéré ça pour la période morte quand le Canadien est éliminé dans l'été. Il faut parler des films de hockey, puis je pense qu'il faudra qu'on parle de Slapshot. Coudon, t'as l'air d'avoir des informations, Alex, puis Mart, sur la vie de Bruce Boudreau. Peut-être le plus pertinent qu'on peut connaître la Ligue nationale là, par rapport à Slapshot, là, des personnages connus. Effectivement. Il y en a plein, man. Donc, l'Avalanche qui est sur une lancée présentement à 4-0. Oh. Et comme j'ai lu sur Twitter cette semaine, c'est sûr que les joueurs performent sous pression d'avoir peur de mourir avec Patrick Roy. C'est probablement une motivation supplémentaire. Roy qui s'en va chez les joueurs puis qui pète le vidéo puis le TV. Puis il pète leur porte. Ça, c'est ça. Défonce les portes. Pas bien, je pète ta porte, mon gars. Ah ouais, il va dans le passé. Ça se peut, je t'appète dans la face. Ça se peut, je batte ta femme. Oh non, ok. C'est pas prouvé que le mec. On est-tu allé là, Marc? Roy. On est tombé là. Roy est rongé par la victoire. C'est un gars qui veut gagner. That's it. C'est un coach. Michel Therrien fait un bon job. Il aurait été hot à Montréal. J'aurais aimé ça. Non, c'est pourquoi? Parce qu'avec ce qui est arrivé là, Roy aurait été ben trop big. Puis c'est ce que Montréal. Il aurait été plus big. Un an, il aurait été milliard. Moi, ce qui me dérange le plus, la crise de Roy, c'est de me dire est-ce que Roy vient de prendre le dessus sur son équipe? C'est ça que je me disais le plus. Mais il fait bien parce que tous des jeunes. Il devrait le prendre. C'est pas au même niveau, mais il reste que Michel Therrien, c'est quand même un entraîneur émotif. Puis ça prend ça dans une ville comme Montréal, un coach. J'ai dit un goaler. Voilà, on comprend ce que tu dis. Un coach émotif. Ça prend ça à Montréal, un coach émotif qui va être capable de parler et de dire ce qu'il pense. Je suis pas sûr que Roy était peut-être le bon timing pour l'amener là. Éventuellement, j'ai l'impression que ça va arriver. Ça va sûrement. Parce qu'imagine, pas une couple d'années d'expérience avec les Avalanches, puis il devient plus calme, puis tout, puis comme un assez bon coach dans la Ligue nationale, puis après ça, vient à Montréal. Ça serait gueule. Commande d'âme. Ben, moi, j'ai l'impression que si Montréal, il va pas bien, là, pour vrai, là, puis admettons, il joue en bas de 500, OK? Non. J'ai l'impression que ça va vite retomber sur Therrien. Non. Moi, j'ai l'impression On fait confiance à Marc. Sérieux, à Marc Bergevin, je pense que le monde est en train de lui, puis on est prêt à y pardonner au moins 2-3 saisons de médiocrité. Ouais, mais le coach en revient vite, lui. Si, genre, les joueurs se mettent pas à marcher, le monde va commencer à chier sur sa On en parlera. Parlant de médiocrité, Guillaume Latendresse qui s'en va jouer en Suisse pour le Lion de Zurich. Alors, pour nos fans suisses, salut les cons. Profitez-en, vous allez voir, il est super bon. Checkez-les se promener dans la ville avec des cuisses molles dans des grosses jeans. Le pire, c'est que pour la Ligue là-bas, ça va fitter, je suis sûr. Peut-être que dans la Ligue là-bas, il va avoir du patin. Non, mais il va être gros, fait que tu veux dire. Ouais. C'est un joueur d'Amérique. Il va être impressionnant. C'est un joueur d'Amérique, fait que ça va être vraiment un power forward. Il peut avoir une très bonne carrière là-bas. Là. Ben, il y a une bonne shot, puis c'est un bon scoreur. Sérieusement, c'est pas un mauvais joueur. C'est un bon scoreur. Il y a des bonnes mains, ce gars-là, pour la mettre dans le net. Là. C'est juste que. Moi, rendu à ce point-là, je serais un joueur de hockey pour de vrai. Là. Je prendrais ma retraite. Ouais. Me semble qu'il y a une fierté de jouer à la NHL. On dirait que c'est la passion. On dirait que tu t'accroches après le rêve. Tu sais, puis faire ça à ma famille, je le ferais pas. Moi, je prends ma retraite. Puis ouais, mais tu veux qu'il fasse quoi, Guillaume Latendresse? C'est quoi, là? Il y a un secondaire 3, là. Ou qu'il gagne de l'argent. Je pense qu'on aurait fini le sujet là-dessus, secondaire 3. Tu joues au junior? Non, mais tu sais, je veux dire, Guillaume Latendresse, je pense pas que c'est un gars qui a fait un deck ou. Non, mais il reste mieux, Guillaume Latendresse. C'est là, ok, c'est ça. Ouais, présentement dans la Ligue. Ouais, mais présentement dans la Ligue, il y a beaucoup mieux que Guillaume Latendresse. Oui. Puis il y a le capitaine des Oilers, Andrew Ferentz. Ça, c'est tout. C'est tellement bizarre, là, voir Andrew Ferentz. Capitaine. C'est un vétéran. Parce qu'il manque de vétérans. Ils ont rien que des jeunes. C'est un bon choix de capitaine. On a déjà dit que c'était probablement le party à Edmonton. Ben oui. Il faut party où? La White, man. Yakupov qui trip flashé. La White, c'est la seule place. C'est parce que là-bas, c'est un peu comme ici. Le sport, comme c'est big. Ouais, non, mais je veux dire, la ville, il n'y a rien dedans. Il n'y a peut-être rien à faire, mais les autres, ils trouvent de quoi, man? Edmonton, c'est comme à Québec. On n'est pas une maison. On continue en bref, messieurs. Charles Prévost-Linton qui se présente dans Outremont. Ouais, je vais juste le plugger parce que je l'ai vu à Infoman. Moi, la paix, c'est que j'écoutais à radio. J'écoutais 98.5 avec Paul Hood. J'aime ça. Paul Hood. Puis il est passé justement, il est passé pour faire son entrevue. C'est là que j'ai entendu. Est-ce que t'es papa? Il y avait vraiment. J'ai mon petit côté papa quand je chauffe. Trips Milan. Non, mais j'ai entendu, il y avait vraiment une grosse... Parce qu'il y a plein de facts, puis il y a plein de styles d'anecdotes. Il rate pas là. Pas là de connaître. Tout trips et stades olympiques. C'est fun. Il va te parler de Tretiak à peu près 20 fois par show. Je le vois, des fois, il fume dehors ma job, tu sais, parce qu'il fait c'est quoi, tout ça. Il fume encore. Ouais, il fume. Ouais, Mario Tremblay, tout fume. Chris, il y a déjà des coupes de pontage pas là, de ma sœur. Ouais, il fume. Mais à chaque fois, j'ai juste le goût. Écoute mon Paul là. Pourquoi tu vas pas y parler? Invite-les à soirée ce podcast. Mais oui, invite-les. Mais non, pas, on a 7 fans live, là, on a de la crédibilité, on peut l'avoir. Ben non, parce qu'on invite Paul Hood, il va juste parler des Hawks. On pourrait se pogner avec un Chris. Deux, hey. Ouais, ça serait drôle. Non, il parlerait du Canadien, je suis sûr. Là, j'ai une petite news, comble de l'ironie. Le premier but de la saison des Panthers de la Floride a été compté par Scott Gomez. Le premier, hein? Ouais. Dans une victoire par blanchissage. Ben, tant mieux le pour premier Scott, est le seul. Les gars, savez-vous c'est quoi Scott Gomez en québécois? C'est quoi, David? Je sais pas, là, j'allais c'est qui ça qui a compté ça tantôt? Grananal, je sais pas quoi. Grananal! Non, je pense que c'était Big G. Ok, excusez, je me suis trompé de personnage. Je sais pas, là, présentement, dans la chatroom, ça a l'air d'être tous des fans. Ouais, vous avez vraiment des... Il y en a qui aiment les graines un peu. Là, ben, j'aime ça, genre, j'aime ça. Comme ça sex relate, là. Les... Et parlant de graines, justement, on va parler de commentaires de Joe Thornton par rapport aux 4 buts de la recrue Thomas Hurtle. Vous êtes même dans une victoire de 9-2 des Sharks. Pauvre le jeune est condamné, mon gars. Maintenant, avoir tant de caméras dans chaque ville qui va aller. Hey, t'es 4 buts, comment tu t'es senti après? Ben, toutes les villes qui vont y aller la première fois. Puis là, il contre même plus une. J'ai bien aimé cette semaine sur. Ok, mais tu sais, first, là, son goal, il était fou. Son quatrième goal était fou. Il rentre top corner en plus. C'est comme. Ouais, ça montre qu'il y a une grosse, tu sais. C'est ça, je voulais un silence après. Ça montre qu'il y a une grosse. Un silence, s'il vous plaît. Mais ouais, pour de vrai, là, ça montrait du gars en crise, un petit jeune qui fasse ça dans la Ligue nationale. Là. Ok, oui, il venait quoi, 7-2. Ok, mais il est jeune, mais il tripe, il est dans le feu d'action. Il pouvait se permettre de faire ça parce que. À 3 buts, le gars, il a 19 ans, il compte son premier hat-trick dans la Ligue nationale, il arrive quasiment tout seul face au goaler, puis il a déjà 3 buts. Mais ça va pas. Essaye-les, là, on parlait des commentaires. Ça va pas bien pour Valé Vigneault non plus. Mais sur le site de NHL, ça t'a j'ai trouvé Vigneault. Ça bien drôle, qu'il y a les 4 vidéos des 4 buts d'Hurtle, que ce soit marqué « Teenage Mutant Ninja Hurtle ». C'était une bonne tagline, j'ai bien aimé ça, c'était très pop culture. Ah mais Alevigno est en train de perdre comme il a perdu 9-2. Il a perdu 6-0 comme hier ou avant. Mais là, hier. Il y a des ça va vraiment pas bien. Il y a des journalistes qui ont pas aimé que Hurtle fasse toi puis soit vraiment content d'avoir fait ça. Pas payer des journalistes, buts, beaucoup de coachs. Moi, je l'ai pas vu. Le coach Jay Capps aussi qui a chialé. Moi non plus, je l'ai pas vu ça. Moi je l'ai vu compter, il a célébré, il était content. Il a compté. Il a dit allô à sa maman. Non, c'est pas ça. C'est parce que le monde, il voit ça comme un fraîchier un peu. C'est quoi ça? C'est les médias de New York? Non, c'est pas ça. C'est parce que ça, c'est comme les vieux singes conservateurs là, de la Ligue nationale qui sont comme OK, tu perds 5-1. T'as-tu besoin, genre. T'es pas un vieux singe conservateur. Non, non, non, écoute, moi, je te. C'est comme quand t'es mort. Je t'ai dit les faits, pourquoi que ça dérangeait. Tout, ça dérange-tu? Asti, non. Sérieusement, c'est-tu quoi? C'est-tu quoi? Veux-tu choisir quelque chose qui me dérange un peu plus? Entre quelqu'un qui fait un goal de même, quand tu viens de gagner comme 6-1, puis l'équipe est comme défaite, ce que les gens n'ont pas aimé, les conservateurs. Ouais, c'est parce que tu tournais le faire dans la plaie. Là, tu humilies l'autre équipe en essayant de faire un goal. Il était humilié. Non, mais c'est même pas moi, selon le fait que tu humilies l'autre équipe. Le gars a compté 4 buts. Je pense que. Il peut être un petit peu content. Non, ouais, mais Dave, il y a du monde qui ont dit ça quand Timo Silané a compté son but puis il a fait la chaîne. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi c'était pas Souban l'année passée qui a glissé sa glace super loin à un moment donné. Non, non, ça c'était Yakupov. Yakupov, t'as raison. Mais sérieusement, j'ai plus de misère avec les moves à style de même que le gars parce que le hockey, jeu d'équipe, tu t'en vas pas comme. Moi, j'ai plus de misère à slider tout seul puis éviter tous tes partners qui t'ont aidé à scorer le but. Ça, j'ai plus de misère avec ça que. Hurtle qui va faire comme son move de fou, tu sais. C'est ça. Je veux dire, moi j'ai plus de misère avec quelqu'un individualiste. Yeah! Ben mais est-ce que non mais j'aime les célébrations. OK. Yeah! Galchenyuk quand il a scoré là. En 8 bits, ça fait ça. Mais Galchenyuk quand il a scoré son but contre Edmonton, c'était hot, tu sais son move après tu fais comme waouh, il est dedans, c'est ça. Mais Hurtle quand il a fait ça, je veux dire, il est jeune, il vit Hey, hey man, je l'aurais fait la même affaire. T'as 19 ans, t'es dans la Ligue nationale. Fuck you, j'arrive à faire. T'es dans la Ligue nationale, tu l'essayes-tu ton mot? C'est des perdants, là. Tu l'essayes certain. Dans le feu de l'action, t'es emballé. Puis tu comptes des 4 crises de but, man. Puis tu célèbres. Pourquoi? Parce que t'as 19 ans, puis tu le referas peut-être jamais. Sais-tu quoi? Thornton, il a jamais fait ça, justement. OK, mais t'as peu. Sais-tu, tu feras jamais ça. Tu feras jamais ça quand t'as 29 ans dans la Ligue nationale ou 30 ans, essayer la move ben dans la main. Hey, non, ça, c'est une affaire de... Les coachs aiment pas ça. Ça, c'est une affaire de ball. Anyway, Mark. Les coachs aiment pas ça. Combien de joueurs dans une vie comptent 4 buts dans une game? C'est rare. Il y en a pas beaucoup, là, Chris. OK, puis on s'entend-tu que aussi, ce but-là, ça aurait mal passé, admettons qu'il aurait manqué, puis la game aurait été comme... Ouais, non, mais la position qui était, même si elle manquait à la cible. Non, non, mais ce qu'il veut dire, c'est que si le match avait été un close call... La game serait décidée sur un but, admettons, là, ça aurait peut-être mal passé. Même close call, la position qui était... Il score, oublie ça, c'est le... Il aurait bien essayé quelque chose. Ouais, mais il aurait pu risquer, genre, en faisant entre ses jambes, de manquer. Ouais, okay, mais je pense qu'il aurait pu faire un beau tir du poignet ou un tir du revers. Je l'aurais pris quand même dans son cas, de la manière qu'il était placé, c'était un tir du revers. Mais il a fait mieux que ça. Il l'a mis dans ses jambes. Puis il a fait un slap shot. Mais on laisse Jeff parler. Attends, tu peux. Mais je vais juste finir avec. On laisse Jeff parler. Non, on va en prolongation. Présentement, finis ton point, Mark. OK, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'attend-tu que overall, puis je pense que tout le monde, tous les fans de hockey, a trippé sur ce but-là. Ben oui. Puis oui. Moi, j'ai trippé. Tout le monde trippé, a trippé dessus. Des beaux moves de même. On aime ça, puis c'est ça qui est des épecs. C'est un spectacle, le en partant. Exact. C'était 7-3, puis c'est le temps d'essayer ce genre de truc-là. Puis Joe Thornton aurait célébré lui aussi, ça a l'air, parce que après le match, dans la chambre des joueurs, mais à sa façon à lui. Ouais, ben il y a un journaliste qui est allé parler, puis il a dit: oh, tu trouves-tu que Thornton en a mis un petit peu trop? Non. Puis là, j'ai la citation de Thornton. Non, t'as peu. Le journaliste s'est adressé à Marlo, puis c'est lui qui a parlé. C'est Thornton qui est comme entré dans le scrum, puis il a dit. Il a comme... Et là, j'ai la traduction ici, fait que il y a des mots qui sont comme traduits à la française. Là. Quand il a dit: est-ce que Thornton a mis trop? Thornton a dit: hey, ta gueule, as-tu déjà joué? J'aurais le Jean-Guy sorti si jamais je marquais 4 buts. J'aurais le Jean-Guy sorti puis je le caresserais. Donc son Jean-Guy, fait que lui, on se branlerait sait c'est quoi, là. Glace, là. Ouais, lui, Jean-Guy, c'est ça. Il se reste trop OK. Il se reste trop OK. Fait que j'aimerais dire que Joe Thornton vient probablement de prendre l'avance sur la citation de l'année dans la Ligue nationale. Pas mal, ouais. Qu'est-ce qu'il ferait, Thornton? C'est pas compliqué. Il ferait comme Paulot dit, il se masserait devant le gardien. Pas là de Pierre-Aude. Il dit tout le temps, ouais, il se masse devant le gardien. Les joueurs mais se massent devant le gardien. C'est pas là. Pierre-Aude, il est bon, Pierre. Pierre-Aude, il dit quel arrêt. Il commence à avoir des petits moments de sénilité. Ben oui. C'est en l'occurrence, une couche. genre Moen est comme sur le coin de la glace, puis il fait un tir pas d'angle, puis il fait comme: oh mon Dieu, quel arrêt. Ouais. Pierre-Aude, des fois, il en perd une coupe. Il commence à se tromper de joueur. Je me demande s'il regarde. Il commence à se tromper de joueur. Ça fait longtemps que des fois, je me demande s'il regarde la game comme ça. Hey, il me reste 2 points, les gars. Okay, let's go. De la prolongation avant de tomber en tir de barrage. On a-tu des questions, Dave, présentement, pour la tir de barrage? Les lettres tirs de barrage. Non. Shootez-nous vos questions. Come on! Bon, 2 commentaires. Quelque chose qu'Alex avait parlé par rapport à Ottawa l'année passée au sénateur. Les fans du Wild ont reçu un guide sur comment cheerer contre les Jets. Je te dis, ça existe à travers la ligue. Ok, ça, je l'ai vu, ça. C'est c'est malade, ça. Hey, ils disent, quand cette sirène-là part, ouais, faut faire ça, man. Quand on crie ça, faut crier ça. Il faut pas. Non, mais là, ils ont vraiment reçu un guide, ça a l'air. Un là, guide. Un pamphlet, là. Ok, mais moi, je peux juste te dire que la seule affaire, je suis allé voir deux fois des matchs de la NHL aux États-Unis. Puis quand t'es le public qui vient du Canada, puis ils savent que t'es là. Si tu cheer contre eux autres puis tu te manifestes pas mal, ça finit tout le temps, OK? Il commence correct, puis ça finit tout le temps par le pauvre USC, comme dans le WWF. Puis ça, je trouve ça tellement USA comme pathétique. Ouais, je sais, parce que là, t'es du Canada, ils sont tellement bouchés qu'ils finissent par USA, USA. C'est comme, what the fuck, man? C'est quoi le rapport, USA, c'est comme, c'est comme... Mais quand tu vas dans un pays, genre. Mais quand tu vas dans une ville canadienne, comme ça s'est passé à Edmonton cette semaine. Tu dis pas Canada. Non, ils font pas ça. Puis honnêtement, les fans du Canadien, ils sont comme le dessus. Ah, mais la manière t'as go abs go. À Edmonton, là, c'était fort des fois. Mais t'entendais go abs go, puis après ça, let's go Edmonton, go abs go. Non, il y avait tellement de chandails dans Montréal, c'est vrai. C'est fou. Ben Calgary puis Edmonton, c'est tout le temps comme ça. Il y a beaucoup de Québécois. Mais il y a beaucoup de Québécois aussi. Ouais. On aurait été voir une game à Calgary, ça, on aurait été dans l'Ouest. Ouais, ça fait juste, ça fait juste 12 ans, là, tu sais. Ça doit être cool, par exemple. On serait allé quand même. C'est quoi le genre de public qu'il y a pour le Wild? C'est-tu plein ou c'est vide un peu? Ben, il faut te dire que Minnesota, il y a déjà eu les North Stars avant, quand même, historiquement. C'est quand même une équipe, une ville de hockey. Minnesota, je pense que c'est l'État qui produit le plus de joueurs de hockey. Mais pourquoi d'abord? Parce qu'il y a plein de joueurs qui payent bien trop cher. Non, mais pourquoi d'abord, si c'est une ville de hockey, il faudrait qu'ils se fassent donner des guides sur comment cheerer. C'est pas parce que t'es une ville de hockey que tu connais ça. Tu peux être fan du sport sans connaître ça. Il y a probablement des équipes de la NFL qui aiment le football mais qui comprennent absolument rien du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un touchdown. Ok, yeah! Ben, je pense pas que c'est un... C'est pas un crowd de hockey. Je veux dire, t'sais, ils ont un team de football, un team de baseball. Gars, yeah, on s'entend là, que c'est tout ça qui passe avant. Dessus, je pense, là, mais... Puis le baseball, avec ben, les Vikings, mais il y a juste des fans aussi qui sont encore lisses, ils vont là vraiment pour. Ah, mais le c'est prouvé. Ils sont encore lisses de savoir vraiment les règles. Ils veulent. Ah, mais Dave, c'est prouvé que les fans. Mais ils connaissent le hockey au Minnesota. Ils mise en échec, c'est bon, ouais! Mais on s'entend que c'est pas le crowd. Les fans de hockey aux États-Unis, c'est les mêmes fans de la lutte. C'est la même chose. Mais c'est ça, ben c'est pour ça. Ils aiment quand ça ramasse. C'est prouvé, quand ouais, ça c'est frappe, ça. C'est, mais c'est pour ça que t'écoutes, t'écoutes les pubs des Bruins. C'est tout le temps de la promotion de genre. Je vais donner par exemple à Boston qui connaissent plus le hockey, mais je veux dire, comme si tu vois Phoenix, le Wild peut-être. Ils ont beau connaître plus le hockey, Alex, mais c'est quand même ça qu'ils vont mettre à la télé pour te vendre. C'est ça l'équipe qui est formée. Quand tu vas, même là à Boston, l'équipe est basée là-dessus. La mentalité américaine, ça là. Non, mais les Bruins, ils ont basé ça. Les Bruins, les Flyers, c'est des équipes qui sont basées. Ils ont été bâtis là-dessus. Mais les Bruins, là, entre les périodes là-bas, là, c'est, je veux dire, sous screen. Puis nous autres, ils montrent quoi? C'est des fights. C'est des fights, des mises en échec. Puis nous autres, ils montrent. Ils montrent les bannières de la Coupe Stanley. Non, nous autres, ils montrent les questions posées aux fans. Ah, c'est ça. Hey, toi, c'est quoi ton mets préféré? Puis t'as Jean-Georges qui répond, moi, j'aime bien les spaghettis. Ouais, mais parce que nous autres, on est équipe championne, tandis que nous autres, l'équipe qui a toujours été obligée ben, de se ils battre. Ils bâtissent sur le... Ah, mais ils ont été obligés de se battre et ils ont été physiques pour gagner. Ouais, mais les États-Unis, le marché américain va chercher son gros crowd avec la bataille. Ouais, ouais. C'est ça. Avec ben les fans de la WWE, c'est la même fan que la NHL. Dernier sujet, messieurs, en prolongation. Sujet de la KHL. On va vraiment à l'international. Sergei Fedorov à 43 ans sort de la retraite. C'est un scénario digne de l'an 50. Incroyable. Mais c'est du quoi? Fedorov dans KHL, je pense qu'il est capable de shifter encore tout le monde parce qu'il est tellement mauvais dans KHL. Parce que c'est mauvais. Mais 43 ans, c'est quand même pas si vieux que ça, si c'est maintenu en forme. Sérieusement, quand je vois des séquences de la KHL, la défensive, c'est dégueulasse. Ouais, c'est tout porté sur l'attaque. C'est l'attaque, c'est rapide, c'est l'attaque. Mais pour de vrai, je vais pas le voir jouer. Puis on a juste entendu son nom cette semaine. Qu'est-ce que j'ai aimé Fedorov, moi, par exemple? Ah, moi, tout. Fedorov était un joueur incroyable. Dans le temps que c'était l'Avalanche puis Red Wings, je prenais. Ça, c'était ma deuxième équipe. Quand le Canadien était éliminé, je prenais pour les Red Wings, surtout dans ces années-là. Dans le temps que Détroit n'était pas failli. Moi, je prenais pour l'Avalanche parce que. C'était comme mes Nordiques qui venaient de changer. Genre ouais, puis le Canadien, dans ces années-là, était pourri sale. Ben non, mais je prenais juste pour eux autres au début. Là, je me calais de l'Avalanche. C'est plus la même équipe en tout. C'était les joueurs. Le Forum dans ces années-là, Sandbell. En 96, en tout cas, les deux. Non, c'est c'était vide. Il y avait, ben, les bats n'avaient même pas de temps. Forum, même. Non, c'est 96. Mais vous, je prenais ça. Ma deuxième équipe, c'était Red Wings. Puis Fedorov, c'était. Ben, moi, j'aimais mieux, comme joueur, j'aimais mieux Yzerman que Fedorov. Ouais. Ben, moi, Fedorov, c'est un joueur pour moi plus complet. Pour moi, un Fedorov, c'est comme. C'est un bon joueur, c'est un joueur. Étincelant. C'est comme un Forsberg avec sa kick. Ben, une petite patineuse. Le monde peut plus aimer sa kick, mais le monde peut plus aimer Forsberg. Ouais, mais c'est ça. C'est la même affaire. Ouais, mais tu sais, pour moi, je compare, mettons, tu compares sa kick. Yzerman avec Taves, genre, mettons. Tu sais, c'est un joueur plus complet qui va faire un peu de tout. Puis Fedorov, tu compares avec qui? Fedorov. Dans la même équipe. Tu compares ça avec un genre de. Patrick King. Pavel Datsyuk d'aujourd'hui, peut-être. Là, mais moins magique. Là, mais tu sais, un esti bon patineur, man. Fedorov, c'est un esti. Il y avait un esti de lancé pareil, ce gars-là. Il y avait un esti de machine. Lui, il arrivait, mon gars, puis c'était un esti. Il dégainait, man. Le but de Galchenyuk contre les Oilers, c'était un but à la style Fedorov. C'était un petit lancé frappé, genre vraiment vite, là. Quick, puis c'était. Mais c'est rare que tu vois ça en plus, genre. Ça kick, ça kick, ça tire du poignet, mais pareil que ça lance. Ça kick, c'était le revers le plus beau. Tu sais, du poignet. Ça kick, le plus beau back-end. Ouais. Mais le tire du poignet, c'est ça. Il y a tellement un beau back-end. Sakic, ouais, ça doit être le joueur, le joueur qui a compté le plus de buts en back-end. Ouais, mais Sakic et tout, c'était comme, c'était tout overall, là. C'est, je veux dire, c'est comme sa mentalité, c'était comme le joueur qui était overall, c'était, il était hot, là. C'était un Lady Bing. Ah, le Lady Bing. Bon, ben, ça fait fin à la prolongation. Est-ce qu'on a des questions pour ralentir le barrage ou on termine le podcast sur le... Ben, on a des questions. Ah, ben, on y va en rafale, les questions du public. Allons-y. OK, ben, on en a pas beaucoup. Bon, on va y aller rapidement. Les tirs de barrage seront courts. Ben, il y en a une que c'est par rapport à... qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit avec Ertl? Les petites crises, il y a eu des petites crises de vétérans, moi je suis pas au courant. Ouais. Ça a l'air qu'il y a des vétérans qui ont chialé. Ouais, parce qu'il y a trop d'attention médiatique. Okay, prenez votre trou. Lui, là, il veut savoir qu'est-ce qu'on pense de ça. C'est normal. Moi, je sais. Ça fait de la partie de la culture d'un vestiaire. Ouais. T'es un kid, t'arrives, prends ta place, prends ton temps. Ça, c'est comme t'es à job. Ouais, ça peut être fatigant. T'es à job, tout, t'es dans la salle des employés, admettons, là, t'sais, là, pour dîner et tout ça. Puis il y a un nouveau qui arrive, puis qui est tout de suite comme trop à l'aise, puis qui est trop de chemin avec tout le monde. Tu fais comme, hey, t'as peur. Mais c'est parce que maintenant, l'équipe, le tout, c'est nausé, arrive dans une nouvelle. Dans une ville, que je sais pas moi, une ville de hockey. Mais là, tout le monde s'en va juste sur ce gars-là. Puis là, lui, il représente l'école, l'équipe d'un média. Puis en fait, on les vétérans pour parler. Fait que c'est sûr, ça dérange à un moment donné. OK, mais on le connaît pas non plus, le joueur dans la chambre. Ben c'est ça, mais promène, tout le monde s'en fout. Il est bien frais. Mais là, parce que Mart a un bon point, mais ça dépend aussi. C'est une game, puis c'est 4 buts d'un gars de 19 ans. Fait que c'est normal qu'il y ait l'attention médiatique quand que ça arrive. Moi, je pense un peu comme Jeff, dans le sens que on sait pas. Je l'ai pas vu, là, les vétérans chialer, mais on sait pas ce qui s'est passé après. T'sais, si le, ça dépend toujours de l'attitude du jeune en tant que tel. Il a beau célébrer sa glace. L'attitude est correcte, c'est juste il a beau célébrer, mais ce que je veux dire, attends un peu Alex, ce que je veux dire, c'est qu'il a beau célébrer sa glace, après ça, qu'est-ce qu'il a fait devant les caméras? En as-tu remis? Non. Il a juste parlé parce que les caméras sont... Pourquoi les autres vétérans ont chialé contre? Laissez-les donc vivre ce moment-là. C'est parce que les questions viennent juste par rapport à ça tout le temps. Puis dans chaque ville que tu vas... Mais ça va durer le temps. Ouais, mais on s'entend-tu que c'était assez nausé que ça s'est passé, là? Si t'arrives à Chicago... On se calme, là. C'est pas un marché canadien, ni un gros marché américain. Les 10 journalistes sont après Ertl. Si t'arrives à Chicago, c'est ça. Oui, mais c'est normal. À Montréal, c'est ça. Dans 4-5 games, ils seront pas tous après Ertl s'ils ne recontent pas, là. Les vétérans, c'est juste laisser le jeune tranquille. Imagine si ça serait arrivé à Montréal, là, on serait mort, Chris. Là. On aurait fait un podcast encore, spécial. Mais ça, c'est une exception. La deuxième question, les gars, elle me fait un peu rire. Boudin ou Price, la est-ce que tu peux nommer la personne qui pose la question? Parce qu'on a tout le temps des noms vraiment funny. Il mérite. On veut savoir. C'est juste pour son nom. C'est genre Cockring 21. Lui, c'est... il a un nom merveilleux. J'adore son nom. Ben, dis-le. Il a parlé de Jeff tantôt, puis il s'appelle Boukake. Oh! Un nom formidable, un autre qui vient de la génération. Hey, un japonais! Un japonais! Si vous savez pas c'est quoi, allez voir, c'est un personnage asiatique. Ouais, googlez ça. Ouais, ça se peut. Si vous avez un filter, par exemple, ça se peut que ça apparaisse pas, ce personnage-là. Mais Boukake essaie juste de nous partir sur un sujet qui sait très bien l'opposition. Et on s'ostinera pas, Price. Non, je m'excuse, Boukake. Gardien numéro 1, c'est Price. Ouais, ouais, c'est quoi la question exacte? Pour vrai, excuse. C'est Boudin ou Price, la prochaine game? C'est Price. C'est Price. Regardez, je l'avais dans mes sujets aujourd'hui. Puis je l'ai gardé pour le prochain podcast, les performances de Price, mais il s'est amélioré là, depuis que son nouveau coach de goaler. Honnêtement, je le regarde depuis la saison. Mais on en parlera pas parce que... vas-y, si tu vas brièvement, mais on va le garder. Je vais y aller brièvement, j'ai une chose à dire. Je le regarde, il a pas été mauvais. Je le trouve qu'il est rapide. Non, il est plus vite. Ben, il est croche un peu, moi, je trouve. Ah, il sort trop de son net. Il sort beaucoup son net, mais ça, il y avait déjà ce problème-là. Là, ça, c'est à travailler. Il y a eu 4 games, dont 3 juste de lui. Fait qu'on va attendre d'avoir un autre 2 semaines avant d'en parler. Présentement, un peu plus, là. Pourquoi justement tu y vas avec Price? Ne pas faire comme les médias montréalais. Il y a le syndrome de la bite molle. Non, mais présentement, pourquoi tu y vas avec Price? C'est la raison la plus simple, c'est que. C'est le goaler numéro 1. Chris, on a joué 4 games. Là. Ouais. Puis il va avec Price, dans le fond, c'est gardien numéro 1. Il est allé avec Price et tout, avec Boudaille pour Edmonton parce que Price n'a jamais de succès contre Edmonton. Il a tout perdu contre eux autres. Puis c'était 2 games en 2 soirs. Puis le voyage, puis le décalage, puis les montagnes. Michel Therrien, il a toujours montré ça. Quand il y a 2 games en 2 soirs... Il va en goaler 2 en 2. Il l'a déjà fait. Il faut qu'il le fasse. S'il fait un blanchissage, il a un nasty bon game la game avant. Est-ce qu'il reste des questions, David? On va aller voir dans la chat room. Eh bien non, putain, il n'y en a plus. Non? Ben, j'espère qu'on s'est assez bien nommé Pierre-Luc de Trois-Bières aujourd'hui dans le podcast. Ben, on s'est jamais nommé vraiment. Ben okay, oui, j'ai... Alexandre qui parle. Hey, attention, bon. Martin Véraud, reconnaissez ma voix. Et... Alexandre Galipaud, reconnaissez ma voix. OK. Je tiens à dire aussi que nous autres Trois-Bières, ben, c'est de l'avant-marche. Ouais, bon, il y en a trois, juste ça. Ça aura été dit. Bon, ça c'est mienne. Ça, c'est juste ton overtime. Ceux-là qui voient. une par période. Plus ben écoutez, merci à tout le monde qui a été là live de nous avoir écoutés. Merci, merci. Merci. On va se revoir dans deux semaines pour le prochain Soirée du Podcast, épisode numéro 3. Si vous voulez nous suivre, on est sur Twitter, @Soirée du Podcast, sur Facebook, La Soirée du Podcast, également lasoireedupodcast.ca. Ça fait beaucoup de soirées. La semaine prochaine, on va être live. Ça fait comme 10 fois 10 podcasts. Ouais, dans deux semaines, on va être live. Dans deux semaines, on va jouer à l'étranger chez David. Ouais. Donc, je ne sais pas si on va être live. On va essayer si on est capable. Ça va avoir une connexion Internet, ça. Oh, bon point. Dave n'a pas Internet dans son patelin. J'ai USB 3G. Moi, tout, j'ai une clé 3G. Bon, ben, ça on garantit. On peut prendre nos deux bandwidths. Moi, j'ai 5 gigs. On garantit pas qu'on sera live de bord pour le prochain, mais on va tourner. On enregistre en fait le prochain épisode dans deux semaines. Merci tout le monde d'avoir été là. À la prochaine. Oh yeah.